Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Yeah, hi, this is Steve Wozniak, and you are listening to the podcast of Mac Québec. MacQuébec.com, le podcast. C'est toutes les nouveautés Apple. Commentaires et critiques. Vos questions, nos réponses. Et beaucoup de collaborateurs. Bienvenue au podcast de Mac Québec. MacQuébec.com. Cette semaine, à votre édition du podcast Mac Québec. Une entrevue avec Marc-André Léger du iMusée au sujet de l'exposition sur les 30 ans d'Apple. Un nouveau thème pour les amateurs de Mac, bonsoir. Et bien sûr, toutes vos nouvelles sur le monde Apple. Bienvenue au podcast Mac Québec, édition du 21 janvier 2014. Il est 8h13, on est un petit peu en retard, mais on est bien content que vous soyez avec nous. Le podcast Mac Québec est une émission bimensuelle produite par l'équipe du site macquebec.com sur l'univers Apple. Au cours des deux prochaines heures, si on est capable de remplir deux heures, ce qu'on devrait être capable de faire, nous passerons en revue les nouvelles du monde Apple des deux dernières semaines, répondrons à des questions posées par des membres de la communauté Mac Québec et présenterons nos trouvailles de la semaine. Je vous présente tout de suite mon co-animateur pour cette semaine, Jean-François Roy. Ça va bien, Jean-François? Ça va bien, toi? Oui, passez une bonne semaine. Oui. Je voulais te remercier publiquement. Je l'ai fait dans le corridor en n'étant pas capable de respirer. Merci pour avoir monté le show cette semaine. J'étais un on peu va, pogné. On va remercier aussi notre invité aussi. Merci de me donner un coup de main. Ça fait plaisir. Parfait. Vous avez entendu Marc-André Léger qui se joint à nous. Et puis, on va avoir une bonne entrevue avec lui dans quelques minutes. Marc-André Léger, qui est du iMusée. Les auditeurs peuvent nous soumettre leurs questions et problèmes sur les différents produits Apple en utilisant les moyens habituels, soit via le compte Twitter, en utilisant le hashtag PodMQ. D'ailleurs, vous pouvez participer à la conversation. On regarde pendant l'émission et on peut répondre à vos questions. Sur la plateforme Mac Québec Entraide, au www.macquebec-entraide.com ou en nous écrivant au podcast@macquebec.com. Pour l'instant, on avait le système téléphonique, mais vous ne l'utilisiez pas. La personne qui s'en occupe n'est pas avec nous depuis quelques semaines, c'est Jean-Michel, mais il va revenir. Je pense qu'il a démissionné de la job super payante qu'il avait parce qu'il ne pouvait pas venir faire le podcast. Fait qu'il va revenir avec nous dans quelques semaines. On salue Mickey Mouse aussi, qui est à Walt Disney, c'est pour ça. Ah, OK, c'est bon. On salue Mickey Mouse. Et habillé en Jedi. Mm-hmm. Cette émission ne serait pas possible sans la participation de quelques amis à nous. On aimerait remercier ceux qui nous aident dans cette aventure. D'abord, ClickPom Solutions Informatiques qui nous prête les locaux pour l'enregistrement du podcast. On est bien contents. On a toujours accès, la connexion Internet est bonne et le service est excellent. C'est moi qui le donne. Bon, ça y est. On remercie aussi nos amis de Coop UQAM au 279 rue Sainte-Catherine-Est. On vous rappelle que Coop UQAM, c'est pas seulement pour les étudiants. Leur expertise est bonne pour tout le monde. ReptileTech, spécialiste en solutions web multiplateformes, c'est eux qui tiennent la barre du site web maintenant, oui. Et qui font que nos présentations spéciales avec des dizaines de centaines de personnes qui se connectent, ça fait gros. Exactement. Des dizaines de centaines de personnes qui se connectent sont capables de nous voir pendant nos événements spéciaux. On remercie aussi iRepair Montréal, sauveur de vie professionnelle au 1184 Sainte-Catherine-Ouest. Et on sait qu'il y a des gens qui sont allés dernièrement, on les remercie d'avoir mentionné notre nom. Il y a C'est Louis-Philippe qui a fait, il a fait mettre un front page. Rose pour sa fille, ouais, de son iPhone 5. Ouais, qui dit, il dit que c'est pour sa fille. Bon, ça y est. Donc, on salue Louis-Philippe. Et finalement, l'INIS, qui est l'Institut national de l'image et du son, qui est un centre de formation où les gens du milieu du cinéma, de la télévision et des communications peuvent recevoir des formations de perfectionnement données par des professionnels du milieu. Dont je vais aller bientôt pour mon cours de Final Cut. Oh, tu vas prendre un cours de Final Cut? Je suis dans la décision de 3 ou 5 jours. Ah, t'es-tu sérieux? Ouais, je sais pas quel jour à prendre. 5 jours? Ah, c'est il faut que je prenne une semaine de vacances, je prends une semaine de vacances, je perds mes vacances aussi. Ouais. Bon, ben, la semaine a été quand même pas mal remplie. C'est marqué, il n'y a rien de nouveau sur Mac Québec. Non. En fait, il y a la nouvelle application Mac Québec mobile que vous pouvez utiliser, télécharger. Vous pouvez nous voir en vidéo, vous pouvez nous écouter en direct, en audio, et vous avez toutes les nouvelles du site web, évidemment, Mac Québec. C'est Pierre Rochon qui nous a fait ça de Piroxo. Ouais. Et on est en train de discuter avec lui, Clickbomb, puis Piroxo. Ah ouais? Ouais. Ben. C'est ça. Ouais. On va peut-être arriver à quelque chose d'intéressant dont on vous parlera dans un prochain épisode. Sinon, as-tu des coups d'os ou des coups de douze? Mais là, j'ai vu que tu as rajouté des affaires dedans que c'était pas marqué au début. Moi aussi, je vous laisse parler de ça. Mais bon, on va en parler ensemble. On va en parler les trois parce que moi, je parlais avec Marc-André plus tôt aussi de ça. Juste avant, en fait. Ah, ben on va présenter. Marc-André. Bonjour. On a un segment à l'émission qui s'appelle Coup de dose. Et c'est un segment qui nous permet de sortir un petit peu de la sphère à Apple pour fesser ou donner un high five à quelque chose pendant la semaine. Ça peut être technologique, mais depuis le printemps érable, bizarrement, on chire du côté politique des fois. On l'est. Donc, à cause de ça. Ça a un rapport avec Snowden? Ou, Non. Non, c'est juste qu'on se disait qu'on avait peut-être un petit peu d'autre chose à parler que juste de Apple. Puis c'est un segment qu'on s'est donné si on voulait justement mentionner quelque chose d'autre, une série télé qui nous intéresse ou quelque chose comme ça. Pour les coups d'os. Et les coups de dos, c'est un mauvais coup. Est-ce qu'il faut que ce soit des séries télé en téléchargement légal? Ou... Parce que sinon, j'aurais pas grand-chose à parler. C'est disponible sur itunes.videotron.ors.com. les gens qui nous écoutent savent souvent où les trouver, eux autres. Il n'y a pas vraiment de problème. T'avais-tu un coup d'os puis un coup de dos, toi, Jeff? Bien, le coup de dos, on va en parler. C'est pas mal le même. Là. Je trouve ça assez écœurant, mais bon. Le coup d'os, non, j'ai pas vraiment de... Non. C'est bon. Ben écoute, le coup d'os, on va le donner au jeune loup qui donne de la matière à faire des mèmes pas mal sur Internet. Fait que nous autres, on pense Internet, puis on change la game. Exactement. Ouais. L'as-tu écouté? J'ai écouté le deuxième épisode. J'ai même pas écouté la première. C'est enregistré là, dans mon enregistreur. Mais... C'est mauvais, c'est terrible. Ah ouais, c'est pas bon? C'est horrible. Tu sais, puis tu te dis, peut-être qu'ils vont changer l'air d'aller. C'est pas bon. Ça a l'air qu'ils ont perdu des codes d'écoute là, depuis le premier épisode, puis la deuxième. Là, les deux, Série Noire et Jeune Loup, ont perdu des codes d'écoute. Mais bon, c'est pas ça qu'on voulait vous parler. Non, le coup de dose va aller à Bixi pour l'ensemble de leur œuvre. Ouais. Ils ont déclaré faillite. Ils n'ont pas déclaré faillite. Ils se sont mis sous la protection de pour une dette de 50 millions en fait, divers problèmes. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté le système Bixi et qui n'ont pas complété les paiements. La raison en est que les logiciels... puis là, on parle de développement de logiciels, là, des grosses compagnies qui développent des logiciels puis que c'est tout croche. On va rappeler Obamacare puis... CGI. Oui, bien, tu sais, comme que ça. C'est 640, là, c'est juste le building qui est ici. Non, je m'excuse, on ne les nommera pas parce que j'ai beaucoup de mes étudiants qui travaillent là. Ah, OK. Bon. Ouais. Bon, ben, on les nommera pas, mais c'est ça. C'est 3 lettres, puis ils sont partout. En fait, il n'y a pas juste le logiciel qui est problématique. Là. D'abord, il y a la gestion. Faut le rappeler, en fait, la gestion de Bixi est opérée par Stationnement de Montréal, qui est une entreprise appartenant à la Chambre de commerce de Montréal. Oui. Je trouve ça assez weird que la Chambre de commerce soit capable de ne pas bien gérer quelque chose qui fait faillite. Et on a vu aussi à l'émission JE que Stationnement Montréal ont passé à l'émission JE parce qu'on voyait les messieurs qui géraient les parcomètres voler de l'argent des parcomètres aussi, il faut dire. Ah, c'est bon. Alors, j'ai un de mes étudiants qui est un ancien employé de Stationnement de Montréal que je nommerai pas pour protéger, qui m'a dit que ça en fait, c'était assez courant. Ça, c'est normal. C'est dégueulasse. Ça arrive beaucoup. Et on se souvient, en fait, tout parce que Bixi prêtait un BSIC à la base, c'est une C'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. Oui. Plus en vélo. Mais c'est une fausse bonne idée parce que le monde, il le faisait déjà. Mm-hmm. Puis au lieu de mettre 50 millions dans le trou, développe les infrastructures, développe d'autres pistes cyclables. Puis le monde, ils sont habitués, ils vont s'en acheter un vélo selon leur besoin. Mais comment ça coûte un Bixi, le vélo Bixi? Parce qu'à 50 millions, tu achètes un vélo, un bon vélo à chaque citoyen de la ville de Montréal. Ça ne coûte pas 50 millions. Je ne sais pas. Il s'est fait par Rio Tinto Alcan, le Bixi. Si c'est comme le planétaire. Je pense qu'il a coûté 80 millions ou 180 millions. Il faut faire qu'ils fassent une enquête sur le planétarium parce qu'ils sont pas trop sûrs de la manière du financement. Ils sont 8000 piastres le Bessic. Là. C'est comme... Donne-moi un Bessic à 20 000 piastres pour me promener en vélo. En fibre de carbone. Exact. C'est ça. Avant même que les bornes soient installées, la campagne publicitaire, en fait, la firme de PR, il y avait déjà eu des problèmes parce que les gens qui avaient coulé les images, et je mets « coulé » entre parenthèses, là, c'était des faux comptes qui avaient été créés. Oui, je me souviens de ça. Ouais, effectivement. Ouais. Puis l'autre chose que je voulais mentionner, c'est que en Europe, en fait, ils ont un peu réglé le problème. Donc, en Europe, en fait, il y a un système de prêt qui s'appelle Vélo Libre. Okay. Et les gens peuvent le prendre, je pense, je me souviens plus, je pense que c'est de... En fait, il y a une colline à Paris, en quelque part. Le monde descend de là, mais il n'y a personne qui remonte à cette colline-là avec les bicycles. Fait que ce qu'ils font, c'est que les gens de la rue, les homeless people, ils prennent les bicycles, ils remontent avec, puis tu te fais rembourser, je pense, quand tu... Tu sais, il y a certains trajets que tu fais avec le bicycle qui te sont remboursés, justement, pour que tu remontes le bicycle. Ici, c'est pas ça qu'on fait. Ici, non, on a acheté des F-150 aux couleurs de la ville de Montréal ou de Bixi qui prennent des vélos. Ils sont deux gars. Il y a un gars qui remplit le F-150. Ils ont des super belles remorques. Oui, ils arrêtent pas le moteur. Tu sais, comme c'est une solution verte, puis il est là 5 minutes là, à remplir son truc, puis il n'arrête pas le moteur, lui. Il laisse ça tourner, tu sais. Puis il remonte les bicycles de la côte Sherbrooke parce que le monde, il descend dans le centre-ville, mais il ne remonte pas du centre-ville avec les bicycles. Bon. Fait que c'est ça, c'était super champion. Puis écoute, je suis pas content que ça ferme. J'aurais aimé ça que ça fonctionne. C'est un beau service. Mais clairement, il y a trop de tapons impliqués. Oui, c'est ça. C'est mais je pense pas que ça va fermer. Ils risquent de le reprendre. Il faudrait que ça soit vendu à une entreprise privée qui fait, il y a peut-être de l'argent à faire avec, mais il faudrait que ça soit géré de telle manière. Puis, en tout cas, je sais pas, ce serait un beau projet pour une classe de programmeurs de programmer un système de gestion de tout ça en open source. J'ai une très bonne idée, effectivement. Je vais leur en parler. Ça même. On prend des notes, si. Voilà. Sinon, est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous avez vues récemment qui vous a fait dresser le poil? Moi, j'écoute de ce temps-là. J'ai écouté en rafale sur Netflix Chuck. Oh! Oui. Ah, ça, j'ai bien aimé le Nerd Herd. Je me cherche un véhicule Nerd Herd. Je trouve ça bien cute. Puis là, je suis en train, cette semaine, j'ai découvert une série qui s'appelle Beta. Ah! Oui, c'est sur des startups à San Francisco, des gens qui créent des apps iPhone. C'est une télé-réalité ou...? Non, c'est une émission américaine. Sur Netflix ou à TV, ça? Non, j'ai trouvé ça sur un site iTunes.fr vidéo, toi. Ouais, c'est ça. C'est ça, puis c'est vraiment... Beta, ça s'appelle. Beta, ouais. Puis c'est sur des geeks, fait que c'est sûr que ça m'intéresse beaucoup. Puis en plus, dans celle-là, les geeks, ils rencontrent des jolies femmes. Ça, c'est toujours encourageant pour... pour nous. Pour nous, excellent. On va passer tout de suite en fait à l'entrevue avec Marc-André Léger tout de suite après ce petit jingle. Mac Québec, le podcast. Bien, rebonjour. Je m'attendais à un plus long jingle. Non, c'est tout. Okay. Donc, bonsoir. On sépare nos sections comme ça avec des jingles qui nous ont été faits par l'EP, qu'on remercie. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir entendre un petit peu plus tard le nouveau jingle qu'il nous a fait pour les amateurs de Mac, bonsoir. En attendant, Marc-André Léger, d'abord, qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie? Donc, moi, dans la vie, je suis chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Okay. Je suis chargé de cours à l'Université Concordia. J'enseigne aussi au Collège Champlain à Saint-Lambert, tout dans le domaine de l'informatique. OK. Donc, pas de philosophie, pas d'éducation physique. Non. C'est quoi votre domaine? Ma spécialité, en fait, c'est ce qu'on appelle la gestion de risque informationnel. sécurité informatique, si tu veux. Ah, OK. Excellent. Mais comment faire des analyses de risque, des choses comme ça. Et puis, au niveau collégial, je suis plus technique. Donc, je donne des cours Linux, gestion de serveur, Active Directory, des choses comme ça. Sysadmin. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour... ça s'appelle ITSS. Là, c'est un programme RAC, c'est Reconnaissance des acquis et compétences. OK. C'est un programme qui forme des gens qui ont déjà de l'expérience de travail. Mettons, quelqu'un comme toi, mettons que tu n'aurais pas ton diplôme d'études collégiales. J'ai pas ça, non? Bon, ben parfait. Ben, je vais te vendre le programme. Excellent. Donc, c'est exactement pour quelqu'un comme toi. Donc, il y a beaucoup d'expérience de travail. Et tu peux faire un diplôme collégial en 12 semaines. OK. Donc, spécialisé, on a différents programmes. On a, par exemple, le ITSS. Donc, c'est pour devenir technicien en support informatique. OK. Donc, tu viens 12 fins de semaine, 12 samedis, 12 dimanches. Et puis, le cours dure 3 heures le matin. C'est un genre de cours accéléré pour mettre à niveau les compétences. Puis, tout de suite, l'après-midi, tu fais l'examen. OK. Donc, en 12 semaines, tu fais le cours Windows 7 client, Windows 2008 serveur, Active Directory, réseau, configuration de réseau, problem solving, résolution de problèmes. Il y a des cours sur la communication, comment travailler dans un helpdesk, comment tu gères les clients, tout ça. Et il y a aussi des cours d'anglais et de français parce que Collège Champlain, on enseigne dans les deux langues. OK. Parce que c'est un collège anglophone, donc il n'y a pas la limite. On n'a pas l'obligation d'enseigner seulement en français. OK. Donc, on fait les deux. Et on a donc des cours de communication. Et une partie de notre clientèle, c'est des immigrants. OK. Tu sais, c'est compliqué pour les gens qui immigrent au Québec de faire reconnaître leur diplôme. Oui. Donc, on a souvent des étudiants qui ont un bac ou une maîtrise, qui ont fait dans un autre pays. Et qui arrivent ici puis qui peuvent, ils sont pas capables de les faire reconnaître. Ils mangent ça en 12 semaines. Puis en voilà. 12 semaines, on leur donne un AEC. Et puis, on fait un stage, on les aide à se trouver une job et puis bingo. Donc, c'est un programme qui est super populaire puis c'est vraiment très, très dynamique. C'est des technologies d'apprentissage actif qu'on appelle. Okay. Donc, c'est du hands-on. Fait que ça plaît beaucoup. Donc, ça, j'enseigne ça au niveau collégial, donc plus technique. Excellent. Et il y a quelques années, je ne sais pas si c'est votre initiative, mais tu as été impliqué dans le e-musée. Est-ce que tu peux nous parler un peu de... Ben, c'est quoi d'abord le e-musée? Donc, le e-musée, c'est un projet qui existe depuis à peu près le milieu des années 2000, 2003, 2004. À l'origine, ça a commencé par un programme subventionné du gouvernement d'Inforoute. OK. Et donc, c'était pour amener les gens à connaître et à utiliser les technologies de l'information, mais en particulier l'Internet. Oui. Et dans le cadre de ces formations-là, il y avait des ateliers pour expliquer aux gens comment réparer eux-mêmes leur ordinateur. OK. Et les gens apportaient donc au pavillon d'éducation communautaire. Ça, c'est un établissement, un organisme à but non lucratif qui est établi depuis 40 ans dans Hochelaga-Maisonneuve. OK. Donc, c'est eux qui faisaient cette activité-là. Donc, ils amenaient leur ordinateur pour faire réparer par le responsable de ça, donc pour apprendre à réparer avec lui. Il s'appelle Victorien. Donc, il travaillait sur ça avec lui. Et des fois, les machines étaient trop vieilles. Quelqu'un arrive avec un Commodore 64, je voudrais brancher ça à Internet. Il n'y avait pas grand-chose à faire pour lui. Donc, souvent, à ce moment-là, souvent, les gens, ils laissaient leur ordinateur-là. Au fil des années, après quelques temps, il a commencé à avoir plusieurs appareils comme ça. Et Victorien a créé une salle qui a appelé le micro-musée. OK. Et dans cette salle-là, il a exposé ces appareils-là. Plus à partir du moment où ça a été connu, il y a des gens qui ont commencé aussi à donner des ordinateurs. OK. Donc ça, c'est devenu le micro-musée. Et ça, en plus, il a créé un site web où il présentait tous les appareils. Les pièces et tout ça. Puis le projet a fini. Victorien est parti. Et la salle est restée. C'était un petit local au 4e étage. Alors, moi, je suis arrivé quelques années plus tard comme bénévole au pavillon d'éducation communautaire. À ce moment-là, moi, je venais d'arriver dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve et j'étais étudiant. J'étais retourné aux études faire un doctorat et je me cherchais de l'expérience dans l'enseignement. Okay. Et puis, je prenais l'autobus en face du pavillon d'éducation communautaire. Je me suis dit, oh, éducation, je me cherche à acquérir de l'expérience. Je vais aller faire du bénévolat. Fait que je vais aller voir. Puis, je dis, ah oui, on cherche quelqu'un pour donner des cours d'informatique. Introduction à Internet, comment browser, tout ça. Et il m'installe dans la salle où étaient ces vieux ordinateurs-là. Donc, moi, j'étais allé voir la directrice générale. J'ai dit, hey, c'est une super belle collection que vous avez. C'est intéressant. On devrait faire quelque chose avec ça. À peu près au même moment, il y a Philippe Newbourg. C'est un Français qui était directeur du Musée de l'informatique de Paris. OK. Qui est un Français qui adore le Québec. OK. C'est un amoureux du Québec. Et lui... le vrai Québec, là, pas celui qu'on présente avec les traîneaux à chiens, puis le pittoresque. Qu'on a de la neige pendant 8 mois. Air salin des Laurentides. Ben, je pense que Philippe, il a rien contre les traîneaux à chiens, mais ce qu'il aime, c'est la culture québécoise, okay. Puis les Québécois eux-mêmes, je crois. Et donc, Philippe débarque à Montréal et avait vu le site web et contacte Mme Mongrain, la directrice générale, puis dit « J'aimerais ça aller voir votre musée. » Fait qu'il vient visiter, puis à la fin de sa visite, il propose à Mme Mongrain de monter une exposition du Musée de l'informatique de Paris à Montréal avec le PEC. OK. On a fait l'exposition. Puis là, moi qui étais bénévole, on m'a dit « ben j'avais démontré un peu d'intérêt pour ça ». On m'a demandé, il dit, écoute, ça t'intéresserait-tu de nous aider à monter l'exposition? Donc, l'exposition s'est faite en 2009. OK. Ça a duré 7 jours. On a eu 522 visiteurs. OK. Avec très peu de publicité, hein, des blogs, des choses. Mais je ne sais même pas si tu n'étais pas venu, toi, à cette expo-là. Oui, j'étais venu. Il y avait des trucs qu'on pouvait hacker. Il y avait un paquet de trucs, là, mais oui, j'étais venu. Vous aviez donné des ateliers aussi sur comment protéger un ordinateur. Puis oui, des trucs puis comme le, ça. Je pense que tu étais venu à des ateliers qu'on a fait sur le wireless oui. aussi. Oui, ben, j'étais avec Il sans fil à ce moment-là. Ah, c'est donc, ça, exactement. Voilà. Exactement. Donc, quand cette semaine-là a fini, on s'est dit « Wow, super belle expérience. » Essayons de trouver une façon de poursuivre, de continuer ça. Puis, nous, on était très proche à cette époque-là de notre député qui s'appelle Louise Arel. Okay. Il s'appelle toujours Louise Arel, mais c'est plus notre député. Et avec Mme Arel, avec le maire de l'arrondissement qui s'appelle Réal Ménard, avec la CEDEST aussi, la Corporation de développement donc, du quartier, et avec d'autres organismes, on a essayé de trouver une façon donc, de poursuivre ça. Donc, on a eu un petit peu d'argent. On a pris des salles au quatrième. On était dans une petite salle. On est allé dans 2 salles, puis dans 3 salles, puis dans 4 salles. Et là, on a vraiment créé un musée permanent, donc qui a commencé ses opérations en 2010. OK. Comme musée permanent. Et donc, moi, je suis devenu le conservateur du musée, donc déjà à partir de la première exposition. Ça aurait pu être Philippe. Remarque, même Philippe, à ce moment-là, habitait toujours à Paris. Okay. Entre-temps, il a déménagé, il habite à Montréal maintenant. Et on a voulu, graduellement, on a agrandi, on a fait de la pub, on a eu de plus en plus de visiteurs, on a eu des dons d'appareils, on a eu La Revanche des Nerds qui est venu tourner des épisodes chez nous. On a eu différentes émissions, là, je ne sais plus comment ça s'appelait, au poste communautaire, là, au Canal 9. Ma TV. Ça s'appelait pas Ma TV. Vox TV. À Vox, c'est ça, avec Philippe Huniaux, Michel Blanc. Je me souviens plus. Ouais. Ils sont venus faire aussi une émission chez nous. Donc, on a eu un peu d'exposure comme ça. Et entre-temps, la station de radio CIBL, oui. qui était dans les locaux du PEC sur P9, déménageait au 222. Oui. Et on a profité de ça, on a pris leurs locaux. OK. Donc, on a déménagé au 2e étage, on était au 4e, c'était un peu compliqué, c'est pas tout le monde qui avait accès. On a déménagé au 2e étage, on s'est agrandi et c'est devenu donc le e-musée qu'on connaît aujourd'hui. Okay. Donc, qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus accessible. Et on a changé aussi notre format, c'est-à-dire au début, c'était très geek. Donc, on avait beaucoup d'équipements sur des tablettes et tout ça. Maintenant, c'est beaucoup plus comme un musée, un peu plus grand public. Oui, c'est sûr que notre clientèle, ça reste beaucoup les geeks, c'est certain. Mais on essaie aussi d'attirer d'autres clientèles. Donc, on a aussi changé, si tu veux, notre approche pour être vraiment plus style d'une approche muséale, une approche grand public, une approche de vulgarisation des technologies et surtout de mise en perspective historique des technologies de l'information dans un contexte, évidemment, canadien, québécois, francophone. Vous dites que vous avez reçu des dons, des pièces, des trucs comme ça. Oui. Lesquels, en fait, êtes-vous les plus contents d'avoir ou qui sont les plus rares, quelques pièces intéressantes au e-musée? C'est sûr que si tu me demandes les pièces qui me plaisent le plus à moi personnellement, le PDP-8, c'est une machine quand même très intéressante que pas beaucoup de monde connaît, okay. qui est très grosse, qui est un mini-ordinateur qui date de 1963, l'année de ma naissance. Donc ça, je l'aime beaucoup. C'est quelque chose de rare qu'on ne voit pas souvent. On a aussi un Altair, ou Altair, si je veux le prononcer correctement. Moi, je dis toujours Altair. Donc, le Altair, c'est sûr que c'est une machine super intéressante aussi, pour toutes sortes de raisons. C'est celle avec laquelle Steve Wozniak jouait au Computers Club à l'époque, si je ne me trompe pas, ou c'est sorti un peu dans ces années-là. C'est surtout, je ne sais pas pour Woz, mais je peux dire que Bill Gates, par exemple... Oui. Qui a commencé, lui, sa carrière en informatique sur le Altair. Okay. Il a créé une version du langage de programmation BASIC pour le Altair, qui est allé vendre, qui voulait vendre, en fait, que MITS voulait acheter, la compagnie qui fait l'Altair. Il lui a dit non, moi, je ne vais pas vous le vendre, je vais vous donner une licence. Puis c'est comme ça qu'il a commencé. Il a commencé à faire Windows. Ben, Microsoft, ouais. D'abord, qui s'écrivait en deux mots à l'époque. OK. Et, donc, ça, c'est sûr, ça, le Altair, je trouve ça une machine qui est très, très, très intéressante. Mm-hmm. Bon, beaucoup de choses classiques, c'est le Commodore 64, Apple II, là, ça, ce n'est pas des machines rares. Non. Et évidemment, beaucoup, beaucoup de Mac. Beaucoup de Mac parce que. Les gens qui ont des Mac ont un attachement émotif avec leur ordinateur. Donc, en fait, beaucoup de gens les ont gardés. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, ces gens-là qui avaient les moyens de s'acheter un Mac quand le Mac est sorti ou un SE ou bon les différentes versions, aujourd'hui, c'est des baby boomers, ça, souvent. Oui. C'est des gens qui prennent leur retraite, qui s'en vont en condo. Dans plus petit. Dans plus petit. Alors là, leur épouse leur dit, là... Faut que tu me vides le garage. Faut que tu me vides le garage, faut que tu me vides le sous-sol. Mais là, il dit, oui, mais, tu sais, c'est encore bon, ça pourrait servir. Fait que là, leur épouse a fait des recherches sur Internet. Elle trouve que nous, on accepte les dons, elle nous appelle. Puis là, on y va avec notre remorque, puis on va vider le sous-sol. et on se retrouve avec beaucoup, beaucoup de produits Mac. On a une énorme, énorme collection. On a presque tous les produits Apple, à l'exception du Apple 1, évidemment. Ouais. Vous n'avez pas une reproduction ou quelque chose? Non? On est en train de se préparer à créer en achetant un replica, là, okay. une copie. De vraiment, le plus dur, en fait, c'est de faire le boîtier en bois. Là. Ouais. Donc, on travaille là-dessus, effectivement. Mais pour l'instant, on n'en a pas. Il n'y en a certainement pas un original. Si un de vos s'il y en a un qui traîne dans une cave au Québec... Oui, s'il vous plaît, vous nous appelez, on peut vous donner un reçu d'impôt. Un gros reçu d'impôt. Effectivement. Mais sinon, ben, tu sais, on a Newton, on a... bon, puis il y a certains appareils, comme là, pour notre expo, on va y venir peut-être dans quelques minutes, mais dans notre expo aussi, on a quelques appareils qui nous sont prêtés, dont le Spartacus, le 20th Anniversary Model. Donc, je ne savais pas c'était quoi. J'ai été voir c'est quoi. C'est assez impressionnant comme machine. Okay. Oui. Donc ça, c'est Régent Harvey, qui est un collectionneur de Mac, de Truc Pomme. Ça, lui, sa compagnie. C'est pas Click Pomme, c'est Truc Pomme. Et puis, donc dans le coin de Repentigny. Lui, il avait un énorme musée Mac dans son sous-sol. OK. Et Régent, ben lui, justement, il s'est marié. Puis là, sa femme, je pense qu'elle veut des enfants. Fait qu'elle lui a demandé de vider le sous-sol. Et le Spartacus, il l'a gardé. Oui, c'est ça, c'est le gris là, en haut à droite. C'est vraiment... Oui, c'est le 20th anniversary. Ça n'avait pas... Ça, c'était très cher, si je me souviens bien, comme appareil. Oui, au début, 10 000 $ Mais pour 10 000 $ on te le livrait en limousine avec un installateur en tuxedo. Oui. Ah, ouais. Oui, après ça, ils l'ont baissé à 7 500 puis finalement à 2 000 Mais ils en ont fait 12 000 Puis tu remarqueras, si tu regardes comme faux, l'ordinateur lui-même, parce que la partie où il y a l'écran, là, oui. Donc ça, c'est un genre d'entertainment center. Donc ça ressemble un peu à un système de son Bang & Olufsen. Ça ressemble pas à l'affaire, mettons, dans le film Robocop ou Total Recall, les téléphones qu'ils utilisent. Mais ça me fait penser à ça, moi. Peut-être. Je sais pas, mais... Alors, mais tu remarqueras la tour à côté. Mais regarde la tour, puis pense Mac Pro. Oui. Ouais. Hein, tu trouves pas qu'il y a un petit quelque chose Mac Pro? Oui. Et ça, entre autres, ce qui est bien intéressant, parce que dans l'expo, on parle du Mac, donc l'histoire du Mac, mais on parle aussi de ce qu'il y a derrière ça, et beaucoup de Jonathan Ives. Oui. De Steve Inspiré Jobs. Par Brown. C'est ça, exactement. Donc, on parle beaucoup de ça et du design. Donc, Jonathan Ives, ça a été une de ses premières créations mm-hmm. chez Apple. Ça a été ce fameux modèle-là, 20th Anniversary. Donc, ça aussi, c'est une pièce qui est super intéressante. Bon, les autres, hein, le Mac Cube, ces choses-là, on est quand même plus habitués à ça. À l'époque, il n'y avait manifestement personne pour dire non à Jonathan Ive. Là. Il aurait pu... Tu sais, si Steve Jobs, plus tard, qui a été là, lui a dit « Non, ça, on peut pas » ou « telle affaire » ou « Réfléchis plus loin » ou tel truc, le 20th anniversary, ça n'avait pas été, ça avait pas été très juste fort. Juste pour finir avec mes machines, donc, favorites, Je te dirais qu'une que je n'ai pas mentionnée, qui est liée à Steve Jobs, mais pas à Apple, c'est le Next Cube. Oui. Donc, on a un Next Cube qu'on a acheté d'une, aux États-Unis. On l'a acheté, celle-là, on a eu un don en argent avec lequel on a acheté cet appareil-là. Il est fonctionnel. Oui, il est fonctionnel. Et c'est une copie conforme de celui de Tim Berners-Lee, de son Mac Cube, du premier serveur web. Okay. C'est le gars qui fait le support technique de Tim Berners-Lee qui nous l'a monté. OK. Donc, c'est une réplique exacte. La seule chose qui manque, c'est le collant en avant qui dit que c'est un serveur de ne pas l'éteindre. Mais sinon, il est à l'identique au premier serveur web donc de Tim Berners-Lee en 89. OK. Donc, une pièce quand même assez impressionnante qui est fonctionnelle en plus. Oui, oui, qui fonctionne super bien, effectivement. Puis, dans lequel, en fait, c'est intéressant parce qu'à l'époque, moi, j'étais allé avec quelqu'un qui m'avait dit « Regarde telle affaire, puis telle affaire, c'est pas encore intégré à OS X. » Donc, il y a encore des choses, des idées très, très intéressantes qui étaient sur le système Next qui ont comme pas encore été prises pour rapatrier dans OS X. Ben, le Next Step, qui est l'OS du Next, c'est un système qui est complètement orienté objet. Mm-hmm. Donc, tout est objet. Donc, c'est vraiment une architecture là, très, très intéressante à ce niveau-là pour des gens, par exemple, qui voudraient faire du développement. Donc, et effectivement, pas tous les éléments encore, mais il y en a quand même pas mal qu'on retrouve. Bon, c'est Unix, c'est... Donc, des choses qu'on retrouve, hein, tout le monde, j'imagine, vos auditeurs savent tous que macOS, c'est Unix qui est en arrière. Là. Oui. Bon, on le répète assez souvent. On le répète assez souvent. Ah, okay, ils savent aussi même que c'est avec Next que Steve Jobs est revenu avec, avec Apple. Est-ce que les ordinateurs sont tous ouverts? Sont tous, ils vont tous être allumés au musée ou sont tous éteints? Malheureusement, ils ne sont pas tous allumés. Okay. Parce qu'il faut comprendre que dans certains cas, c'est des machines qui sont quand même assez vieilles. Oui. Bon, on a des limites, évidemment, de capacité électrique dans le building. Okay. Mais ils ne sont pas tous allumés. Okay. La plupart sont fonctionnels. Il y en a certaines qui ne le sont pas. On a, par exemple, un IBM 5100, qui est le premier portable avant les PC, qui, théoriquement, pourrait être fonctionnel, mais qu'on ne fait pas fonctionner. Le Altair, il pourrait fonctionner, mais on ne le fait pas fonctionner. D'un coup qu'un transistor saute, puis c'est plus remplaçable. Ouais. Non, c'est pas si difficile que ça. Les transistors, les choses comme ça, ça se trouve, mais on ne veut pas non plus... C'est normal aussi. Ouais, parce que les power supplies, surtout, ont tendance à chauffer et tout. Ouais. Donc, on les allume pas tous, mais il y a certains comme le TAM, mais tu sais, c'est tellement rare, puis ça vaut cher. On l'a plutôt choisi de le mettre sous verre. Donc, on ne l'allume pas, mais c'est sûr qu'on pourrait l'allumer. Une visite de groupe ou pour des étudiants, des fois pour des événements spéciaux. Mais... Avez-vous une pipine? Non, la console de jeu de Apple. Ah, OK. Non, malheureusement, on a failli en acheter une parce que ça, personne ne nous en donne parce que ben, pour la donner, il faut que tu en ailles une. Ouais. Ils n'en ont pas vendu beaucoup. Il y en a des fois sur eBay, là, je regarde ça. J'ai failli en acheter une l'été passé, mais... Elle se vend cher. C'est combien? 300-400$. Pour un truc sur lequel il n'y a pas de jeu. Non, c'est ça. Mais dans le musée, on a une section jeux vidéo. Hein? OK. Maintenant qu'on est dans les studios de CIBL, on a gardé les anciens studios d'enregistrement. Oui. Et on a des salles thématiques. Donc, il y a une salle, c'est notre salle de jeux vidéo. C'était l'ancien grand studio de CIBL, pour ceux qui connaissent ça, là, mm-hmm. où RBO et tout ça ont commencé. Là. Oh! Ouais. Et donc, ça, c'est les jeux vidéo. Donc, là-dedans, ben, on a Pong, on a Atari Flashback, surtout, mais les vieilles consoles Atari, NES, etc., etc., Jaguar. Une Virtual Boy, non? Non. C'est un méga flop, ça. Faut pas en avoir une. C'est même pas, ça devrait même pas être dans un musée. Parce qu'en fait, on travaille beaucoup avec, avec un organisme qui s'appelle le CCJVQ. OK. Le Club des collectionneurs de jeux vidéo du Québec. OK. Et c'est eux, en fait, qui gèrent un peu pour nous notre collection de jeux vidéo. OK. Donc, eux, ils font leur événement à tous les 2-3 mois. Là, ils font un genre de gros party là, d'échange, de vente de jeux, etc. Ils font ça dans le musée. Oh! Et donc là, souvent, on va récupérer, ils vont nous donner des fois des pièces qui disent, ben là, ça, c'est vraiment, ça devrait être dans le musée. Fait qu'il y en a un des membres qui nous en fait don. Oh, donc, c'est cool. Un peu comme ça qu'on a monté. Puis, ils nous aident parce que moi, je suis un gars d'informatique. Là, ça fait presque 40 ans que je fais de l'informatique. J'ai commencé jeune. Mais moi, c'est mon travail, l'informatique. Tu sais, c'est... Fait que moi, les jeux vidéo, quand ça a commencé, j'accrochais pas bien là-dessus parce que, je veux dire, moi, c'était mon travail. Tu sais, je faisais de la programmation. C'était pas vraiment relaxant pour moi, des jeux vidéo. OK. Je me relaxais plus avec l'alcool, puis donc des choses comme ça. La drogue, les prostituées. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Dans les années 70, là. Les années 80, oui, c'est ça. Et puis, fait que j'ai jamais vraiment trippé là-dessus, puis je peux pas dire que je connais pas ça vraiment, mais là, je commence un peu, mais pas plus que ça. Fait qu'on se fie vraiment à eux pour cette partie-là. Ça reprend beaucoup le rétro gaming. Oh mon Dieu, oh, c'est populaire, écoute. Quand il y a les événements du CCJVQ, là, t'as 50, 60, même si on pouvait recevoir 100 personnes, je pense qu'on aurait 100 personnes. Wow! Ah oui, oui, puis ça marche, ils vendent leurs affaires, ils jouent, ils trippent, les gars, ils trippent. Les gars et les filles, hein, il y a des filles gamers maintenant. Mais ils vendent leurs cassettes là-bas? Bien, entre autres, il y a toujours des tables là, où les gens vont vendre, pas juste des cassettes, ils vont vendre des fois des différents objets, là, des power gloves. Le petit robot Nintendo. Ouais, ou des action figures, c'est ça le mot que je cherchais, parce qu'il ne faut pas dire des jouets. Là. Des action figures emballés dans l'emballage. C'est un peu comme tu retrouves au Geekfest. Ouais. Les tables, c'est un peu... C'est un peu la même chose. Ouais, sauf que c'est à toutes les deux, trois mois. Là, ouais. Cool. Ouais. Excellent. Et là, vous organisez une... Vous avez parlé un peu de la collection Apple que vous avez. Mais là, c'est les 30 ans d'Apple. Il y a 5 ans, en fait... pas les 30 ans d'Apple, hein? C'est je te corrige. C'est les 30 ans du Mac, pardon. Merci. De 1984. Surtout que c'est Mac Québec, tu devrais ça. Je me suis... ma langue a fourchu. Oui, oui, c'est correct. Donc, c'est les 30 ans du Macintosh, sorti en 1984. Et vous avez décidé de faire quelque chose pour l'événement. Oui, donc tout le monde se rappelle, vous vous rappelez tous, j'imagine, messieurs, le 24 janvier 1984, alors que vous étiez en train d'écouter le Super Bowl et que vous avez vu la fameuse publicité, hein, « Why 1984 won't be like 1984 », ouais, c'est ça. Donc ça, c'est le 24 janvier 1984. Donc, dans trois jours, le 24 janvier, c'est le lancement de notre exposition qui va débuter à peu près à la même heure que la diffusion de la publicité au Super Bowl, d'ailleurs. Elle était à quelle heure? Est-ce que tu t'en souviens? Non, mais le Super Bowl, ça commence à 6 heures. Donc, la pub était en début, là, était vers le milieu, je pense, là, vers les 7 heures, quelque chose comme ça. Donc, mais c'est une bonne question. Je devrais savoir l'heure exacte. Hein? Exact de la diffusion. Oui, c'est vrai. Alors, nous, on commence un 5 à 7. Donc, on commence à 5 heures à recevoir les gens. Puis, on va faire le lancement plutôt vers 6 heures. Vraiment, ça va démarrer. Il va y avoir deux, trois petits discours. Là. On a invité le maire de notre arrondissement, Réal Ménard. Mm-hmm. Et puis, quelques personnes vont venir dire un petit mot. Et puis là, on va lancer la pub, originale. Donc, on va remettre sur nos grands écrans la pub. Et là, on lance notre expo pour les 30 ans du Mac. Donc, le Macintosh, en commençant avec le premier Mac original, là, le modèle 01, là, les premiers Mac. Tout ce qui est relié aux impacts que le Mac a eu au niveau social, au niveau des technologies de l'information et beaucoup aussi au niveau du design. OK. Parce que le Mac, aujourd'hui, on le réalise, les plus jeunes ne le réalisent peut-être pas, mais... a eu un énorme impact. À l'époque, tous les ordinateurs étaient beige. Oui, ils étaient tous pareils. Ils étaient tous pareils. Mm-hmm. Même les premiers Mac, il y avait beaucoup de modèles encore qui étaient pareils. Mais ça a beaucoup évolué avec le TAM, donc le 20th Anniversary. Le modèle, le design a vraiment explosé. Et évidemment, avec le E-Mac, le iMac. Avec les couleurs qu'ils ont mis, vert, orange, bleu. Exactement, qui ont été reprises dans toutes sortes de produits. Hein, des produits aux couleurs ou au design du iMac. On a des téléphones, des brocheuses, des réveils matin, des fours micro-ondes. Des téléphones Android. Exactement. Ouais. Donc, le Mac a eu un énorme impact au niveau du design. Ouais. Et ça, c'est une des choses qu'on essaie d'illustrer. Puis quand on a fait notre choix de modèle, parce que c'est sûr, on ne pouvait pas mettre tous les modèles. Là. Il n'y aurait plus de place. Ben, c'est ça. Donc, on a vraiment choisi les modèles qui sont pour nous les plus marquants. Évidemment, le premier Mac, le TAM, le E-Mac. même si ce n'était pas une machine extraordinaire au niveau des performances, mais était quand même pas cher. Oui. Et avait un design quand même qui marquait par rapport à ce qui était à l'époque. Mm-hmm. Bon, le iMac, évidemment, le Mac Mini, le Mac Cube. Oui. Le Mac Cube. Est-ce qu'il est craqué, le vôtre? Non, il n'est pas craqué. Il est fonctionnel. Excellent. Il n'y en a pas beaucoup de ceux-là. Le tournesol. Oui. Donc, celui qui ressemble à une lampe. À la lampe Pixar. À la lampe Pixar, exactement ça. Donc, ça, c'est des choses qui ont eu énormément d'impact. Évidemment, les premiers MacBook, PowerBook, MacBook, MacBook Air aussi. Oui. Donc, c'est... Le clamshell. Exactement. Donc, on a mis le clamshell, par exemple, avec les iMac. OK. Donc, on a différentes couleurs. Pour montrer les couleurs. C'est ça, différentes couleurs, différentes versions, effectivement. Mais bon, c'est sûr qu'on a fallu qu'on fasse des choix. On n'a pas tout mis. Et on a beaucoup de multimédia, de vidéos. Donc, par exemple, des entrevues. On a un genre on a refait, on a recoupé un peu des entrevues de Steve Jobs et de Jonathan Ives avec le speech qu'il a donné à Stanford. Be foolish, be hungry. C'est exactement, on a exactement cet extrait-là, effectivement. Et puis, donc, on présente un peu le contexte autour de ça, les idées autour de ça, comment le projet a démarré, comment ça a évolué avec le retour de Steve Jobs, etc. Donc, c'est vraiment ça qu'on présente dans notre exposition. Excellent. Oui. Expliquer comme ça, ça a l'air meilleur que le film iJobs. iJobs, oui, hein? Je sais pas, hein? C'est comme tabarnouche. C'est intéressant. Et cette exposition-là, est-ce qu'elle va avoir lieu seulement le 20... C'est le 24, c'est ça? Le vernissage est le 24. OK. L'exposition est ouverte au public à partir du 25, samedi matin. On a encore des places pour le vernissage, si vous voulez venir. Là, excellent. Le 25, vraiment, que ça débute. Ça va durer tout l'été. Donc, on va garder cette exposition-là en place jusqu'à la fin septembre, début octobre. Et après ça, cette exposition-là devient une exposition mobile. OK. Donc, on va, par exemple, dans des écoles, dans les universités, les cégeps, mais aussi, on essaie aussi d'aller dans des musées en province, donc ailleurs au Québec, où on peut aussi faire des prêts, donc, de notre exposition. Donc, elle est toute prête, elle est toute packagée, donc on peut facilement l'amener, donc, sur la route. Avez-vous été d'une manière ou d'une autre contacté par Apple ou vous, est-ce que vous avez contacté Apple pour peut-être avoir quelque chose ou, avec eux? Je sais que c'est, Apple, ils n'écoutent pas, là, ils sont dans une tour d'ivoire, puis ils n'écoutent pas. Dans le temps, bon, moi, j'ai connu Jean Laporte, qui était à l'époque le directeur général d'Apple ici à Montréal. C'était relativement facile d'avoir des contacts avec eux à l'époque quand j'étais au Collège Hennsic, puis à différents endroits, là, où ils étaient très, très, très présents. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des on leur a envoyé une invitation. OK. Mais aucune réponse. Non. Puis c'est sûr qu'on aimerait beaucoup qu'ils viennent. Comme tu le sais, c'est pas toujours. Est-ce que tu es au courant si Apple va commémorer l'événement, s'il y a quelque chose qui se fait de la part de la compagnie pour soit dans les Apple Store, soit sur le campus à J'ai entendu parler de rien du tout. Non, hein? Ils n'ont rien fait non plus pour le 25e anniversaire ou en fait les autres anniversaires là, qui auraient pu être commémorés. Ce qui est dommage, hein? C'est dommage parce que c'est quelque chose de majeur, il me semble. Oui, c'est ça. Ils ont fait des changements, mais ça fait partie de leur histoire. Ils laissent les geeks comme nous, les nostalgiques, se remémorer, mais sont plus vers le futur. Puis, bon, oui, parce que c'est sûr que nous aussi, c'était possible d'avoir un genre de partenariat, si tu veux, avec eux, tu sais, qu'on pourrait avoir, je sais pas moi, juste leur vieux poster du Apple Store, qu'en lieu de les jeter, de nous les donner. Tu sais, c'est des choses comme ça. Parce que nous, on est dans le développement durable. Hein? Donc, nous, on veut revitaliser ou revaloriser ces appareils-là quand ils sont rendus désuets, plutôt que d'ajouter au problème des déchets électroniques, là. On voudrait que les gens nous les donnent. Et nous, on travaille avec Recycordi. OK. Donc, quand vraiment les ordinateurs ne sont pas réparables ou sont vraiment finis, bien là, on les donne à Recycordi et eux vont récupérer les métaux. OK. Et donc, on s'assure là, que. Donc, vous êtes un endroit où est-ce qu'on peut vraiment, même si mon ordinateur, c'est un. je sais pas, là, Pentium 2.2, là, Pentium 2, 350 MHz, je peux aller le porter au musée, puis vous allez le faire recycler. Oui, on va le faire recycler, mais avant, on va récupérer dedans les pièces qui peuvent nous intéresser. OK. On va, des fois, avec certaines pièces, faire d'autres objets. OK. Donc, par exemple, on a eu beaucoup de Mac originaux, les boîtes, là, oui. On a fait un bar avec ça. Okay. Donc, le bar du musée, tu vas le voir si tu viens au vernissage. Il est fabriqué en Mac. Il est fabriqué en Mac, donc 4 Mac de haut, puis 6-7 de large. Donc, ça, c'est le bar de notre quand on fait des événements corporatifs, par exemple. C'est là qu'on va servir l'alcool. Le vendredi, c'est là qu'on va servir l'alcool. Excellent. Au bar. Mais on crée aussi des bijoux. Okay. Donc, par exemple, quand tu ouvres un disque dur, tu ouvres un hard disk, les disques eux-mêmes, on les garde parce qu'on veut se faire un rideau avec ça pour séparer des salles. On va les driller, là, puis on va voir. Mais aussi, les anneaux qui séparent les plateaux dans les disques, des espèces d'anneaux en aluminium, ben, on fait des boucles d'oreilles avec ça. Puis là, vous allez les vendre sur Sainte-Catherine pendant l'affaire de MC Gilles, là, l'été. Là. T'appelles ça le grand débarras? Oui, non, on n'est pas allé. OK, vous n'êtes pas été? Non, mais on pourrait. Mais nous, on est juste d'ailleurs à côté. C'est ça. Nous, on les vend à la boutique du musée. OK, on les vend à la boutique. On fait, par exemple, avec les touches de clavier, on fait des aimants à frigo, des bagues, boutons de manchette, des choses comme ça. Le plus populaire, c'est Ctrl-Alt-Delete. En passant, c'est les trois les trois les plus populaires. Et puis, donc, toutes sortes de choses comme ça là, qu'on va faire, toutes sortes d'objets, de bijoux qu'on va faire avec des pièces d'ordinateur. Donc, on vend pour aider à financer le musée. Ça, c'est très populaire pour la Saint-Valentin qui s'en vient, messieurs. Bonne donc, idée. Oui, et c'est très geek, évidemment. Donc, comme il y a beaucoup de geekettes maintenant, donc ça plaît beaucoup. Ça s'offre bien. Oui, ça s'offre bien. Donc, avec les vieux ordinateurs, vraiment, on récupère énormément de choses, énormément de pièces. Et puis, comme tu disais, donc, en bout de ligne, on va envoyer à Recycle Ordi, donc les machines. Et donc, on est un point de chute pour Recycle Ordi. On a un gros container et quand le container se remplit, Joël de Recycle Ordi vient le vider et puis s'assure là, que tous les métaux, tout est traité de façon propre. Propre. Que ce n'est pas envoyé en Chine avec du monde qui ont des casseroles de mercure c'est pour dégainer les fils. Exactement. Là. Donc, on a vraiment une mission qui va au-delà de juste exposer des appareils. On va dans les écoles, on fait de la formation. C'est surtout, on est ouvert à toutes les écoles, là, s'il y a des profs qui nous écoutent, mais ce qu'on est souvent appelé pour des cours d'immersion, par exemple, des nouveaux arrivants, ils cherchent des activités à faire pour des cours de francisation. Donc, on va présenter. Pour des jeunes, des fois aussi avec des difficultés d'apprentissage, le jeu vidéo, c'est une bonne façon d'aller rejoindre. D'aller les chercher. Hein. Donc, on fait des ateliers de jeux vidéo, par exemple, avec les jeunes. Donc, on va leur montrer, par exemple, à jouer des jeux vidéo sur Commodore 64 ou Pong. Pong, c'est très populaire. C'est vrai encore? Ah, encore, oui, toujours, oui. Ouais. donc, dans les écoles, mais on va aussi dans les universités, les cégeps, puis là, c'est d'autres choses qu'on présente, vraiment pour essayer de leur donner un peu de profondeur, hein, c'est de voir qu'avant l'iPhone, puis avant macOS, il y avait d'autres choses. Y a-t-il des ateliers de changement d'écran d'iPhone? Non. Ce qui pourrait être fort utile pour un adolescent qui doit en péter 3-4 par année. C'est vrai, mais moi, je fais faire ça chez iRepair. Je ne les fais pas moi-même. Je n'ai pas la patience. Et puis, de toute façon, au prix qu'ils font... ça vaut la peine. Je suis client. Hein? C'est pour ça que ça ne me gêne pas d'en parler. Là, ouais. Excellent. On invite tout le monde, en fait, à venir à partir du 25, c'est ça, au matin? Ouais, exactement. Samedi. Donc, en fait, ça va être ouvert à partir de samedi, mais normalement, c'est le vendredi, samedi, dimanche. OK. Donc, de 10h le matin à 5h de l'après-midi. Combien ça coûte? Adulte, 5$. Ado, 2$. Les jeunes enfants, c'est gratuit. Excellent. On a un forfait familial, donc maximum, ça peut vous coûter, c'est 10$. C'est 2$ pour les groupes, donc 2$ par personne pour les groupes. OK. Et quand c'est des organismes à but non lucratif ou des groupes de francisation, des choses comme ça, en fait, c'est gratuit. On ne leur fait pas payer la visite. OK, excellent. On répète l'adresse, c'est... C'est le 1691 P9. On ne l'avait pas dit. Fait qu'on va le répéter. Oui, 1691 P9. Donc, pour les gens qui connaissent Montréal, le stade olympique, c'est assez connu. Oui. Donc, c'est métro P9. Oui. Donc, on est sur le boulevard P9. À côté du pas tellement loin du village des Valeurs. Okay. Donc, le coin Ontario, P9. Ouais. Donc, nous, on est juste un petit peu au sud de ça, au coin de la Fontaine. Excellent. Ben, merci beaucoup, Marc-André. Ben, merci à vous. Si tu veux rester avec nous, peut-être que tu suis l'actualité Apple, tu peux rester. Sinon, en fait, ben, il commence à se faire tard, par exemple. Mais... Ben, je peux peut-être rester un petit 10-15 minutes. Excellent. Ben, okay. Ça va nous faire plaisir. Merci. Bon, on va commencer de ce pas en nouvelles. En nouvelles. Merci. Charles, t'es là. Ah oui. Puis, on va vous passer une petite publicité. Alors, voilà. Mac Québec, le podcast. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast Mac Québec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @MacQuébec ou sur la boîte vocale au 1-877-561-2357. Mac Québec, le podcast. Nous voilà de retour en studio et c'est la section des nouvelles. Donc, il y en a eu quand même pas mal Ouais. Au niveau Apple. On me faisait remarquer aujourd'hui qu'il n'y avait pas beaucoup de rumeurs au niveau des iPhones actuellement. C'est probablement parce qu'il y a un Galaxy qui s'en vient. Oui, c'est ça. Qu'on ne va pas entendre parler d'Apple tout de suite. Non, c'est ça. Mais dès que le nouveau Galaxy va être sorti et que le monde va être déçu, on va... Il n'y aura pas de... On va entendre parler des nouveautés. Il va y avoir le... Mais, en tout cas, on va en parler vite. Là. Il y avait le Touch ID. Comme sur l'iPhone, oui. Mais il n'y aura pas le Retina, pas le Retina, mais en fait, reconnaissance de l'iris. Ouais, de l'iris, exactement. Ah, okay. Moi, j'avais lu que peut-être qu'il y aurait ça. Ah oui, mais en tout cas, moi, je n'ai lu que ça allait qu'il ne serait pas dessus, mais en tout cas, okay. c'est une autre chose. À voir, en fait, si la détection va être aussi bonne puis aussi transparente que sur l'iPhone. Peut-être qu'ils vont arriver puis dire, ben vous pouvez l'utiliser pour tout au lieu de juste ouvrir ton téléphone puis faire les achats. Puis, bon, il y a déjà eu quelques téléphones qui en ont eu, oui. Si je me trompe. Pas. Donc, l'intégration n'était pas super intéressante jusqu'à maintenant. Mais quand le S5 va sortir, les rumeurs du iPhone 6 vont recommencer. Que Samsung devrait être bateau. C'est en avril, eux autres, je pense. Il y a déjà des rumeurs à propos d'un iPad 12 pouces. Ouais, un iPad Pro. Des iWatch. iWatch, ouais, c'est ça. Voilà. Mais cette semaine, Apple a rendu disponible aux développeurs iOS 7 Beta 4. Oui. Ça fait un certain temps, en fait, qu'elle est en développement, cette version-là, si je ne me trompe pas. Fait. Oui, quand même. Toi, tu la roules? Toujours. Sur ta machine? Oui. Tu veux des petits changements? Sur celle-là, non. Okay. La seule chose, c'est le bouton Slide Lock qui a changé. Il est plus beau. Ah oui? Oui. C'est tout? Oui, c'est ça. Sinon, c'est en arrière du moteur. Pour ceux qui ont déjà Beta 3, qui n'ont pas installé Beta 4, si votre téléphone est déjà breaké, si vous passez Beta 4, ça brise, ça ne fonctionne plus. Merci à i8 Snow d'avoir utilisé la faille... la faille pour en fait un jailbreak sur iOS 6 qui avait comme pas rapport de non, sortir. Non, c'est ça. Bon, ils l'ont colmaté. Ouais. Il n'y a rien d'autre dessus. Là. C'est plus en arrière, c'est plus le UI qui est en arrière qui a été mis à jour. Ouais. Puis, en fait, toi, t'as fait correspondre ton splash screen de iOS. Puis tu t'es téléchargé, je pense, un screensaver iOS 7, ouais, quelque chose comme ouais, ça? Mon screensaver iOS 7, c'est un... Mon Dieu, faudrait que je retrouve, c'est qui le nom? Il y a un développeur qui a créé l'écran arrière du iOS 7 en screensaver. Ça fonctionne. OK. Sauf que c'est extrêmement long avant qu'il parte. Ça peut prendre 30 secondes avant que le screensaver démarre. Okay. Il n'est pas tout fonctionnel avec Mavericks. Il est beau, tu vois le fond, ben en tout cas il est là, là. Fait que on voit un peu les nuages bouger et okay, avancer. Ok, il y a vraiment. Oui. Il y a vraiment comme sur iOS. Ça fonctionne, à part peut-être une couple de petits bugs des fois qui ne fonctionnent pas tout le temps. Fait que, mais ça fonctionne bien. Il a dit qu'il ferait des mises à jour prochainement sur sa version qui est sortie. Mais c'est un très beau projet. Puis quand on a vu ça sortir cette semaine, genre wow, on va me chercher tout de suite ça. Fait que ça me fait un beau petit screensaver. J'étais tanné de celui du Flurry, je sais quoi. Les barres. Ouais. C'est pas très beau. Non, c'est pas très beau. Fait que. Voilà. Quel téléphone t'as, Marc-André? Ah, moi, j'ai un vieux 4S. 4S? Ouais. Quand même, ouais. C'est correct. L'écran est plus petit, mais il y a Siri dessus. Ben oui. Mais c'est parce que le problème, c'est que mon radio réveil et toutes mes affaires dans mon auto, tout ça, ils fonctionnent avec la prise, cette prise-là. OK. Donc, du 4, le Thunderbolt, Lightning. Excuse, là, je suis comme bloqué. Il y a un adaptateur qui existe. C'est juste que tu es obligé de le laisser traîner à côté. C'est moins cute. C'est, là. Ça, c'est un peu gossant. Là. OK. J'hésite encore de tout upgrader mes bébelles. Là. Fait que je reste avec ça pour l'instant. Parce que là, je peux brancher... Jusqu'en septembre. Oui, c'est ça. Parce que là, je peux brancher mon iPad. Tout ça, j'ai juste un chargeur pour tout. C'est plus pratique. Là. Puis là, ben. J'hésite aussi. Là. En fait, moi, puis c'est pour ça que je suis déçu. Là. Vous n'avez pas parlé du Mac Pro. Allez-vous en parler? Parce que moi, j'hésite. Là, parce que j'ai un gros problème. Hein. OK. J'ai un énorme problème. Là. Je travaille avec un Mac Mini qui vient de Coop UCAM, d'ailleurs. OK. Et puis, je fais beaucoup de Final Cut. Hein. Mm-hmm. J'utilise, monte mes cours et tout ça avec Final Cut. Mais un cours d'université, ça dure 3 heures. Mm-hmm. Donc, quand je fais le rendering, après ça, quand je fais mes rendus, des fois, là, ça prend comme 2 jours. Tu vas partir en fin de semaine, oui. Oui, c'est ça. Fait que, évidemment, je me cherche des solutions. Puis, là, de toute façon, mon Mac Mini, j'ai upgradé mon Surround. On parlait de ça tout à l'heure, là, dans le temps des fêtes. Il y a un Surround 11.2 chez ça. Wow! Oui, oui. Tout avec des amplis Macintosh. Donc, on est très Mac ici. Donc, mes amplis, c'est tout du Mac. OK. Mais, l'autre c'est, compagnie. C'est ça, l'autre. Ouais. Et puis, fait que j'ai mis mon Mac Mini là-dessus. J'avais un Apple TV, mais finalement, je me suis dit, non, je vais mettre un Mac Mini. Comme ça, je peux downloader des films sur les torrents. Ouais. Bon. Et puis, c'est plus pratique, tu sais, avec un clavier Wi-Fi, puis tout ça, wireless, Bluetooth, je veux dire. Là, c'est très pratique. Fait que là, je me cherche un ordi, puis là, je regardais le Mac Pro, mais j'hésite. Je suis très hésitant. Le prix d'entrée est cher. Oui, puis je sais pas, là, des fois, j'ai eu des expériences avec mon Newton, par exemple. Des fois, c'est toujours pas toujours bon d'acheter tout de suite les premières versions des nouveaux produits Apple. Donc, j'hésite, là, est-ce que j'embarque ou j'embarque pas avec le Mac Pro? Là, Les benchmarks qui sont sortis, c'est un appareil qui, il faut le rappeler, est à peu près 1/8 de la grosseur du Mac Pro actuel. Dont celui qu'on utilise ici. Oui. Donc, au niveau du transport, c'est intéressant. Puis je pense que c'est le marché qu'Apple, bizarrement, veut aller chercher. Donner une machine à des gens qui font du gros travail de montage, mais qui veulent peut-être pouvoir se déplacer et avec lequel le MacBook Pro est plus assez efficace. Pour travailler. Il n'y a pas d'upgrade interne de possible dans cet appareil-là. Le disque dur, éventuellement, va pouvoir être upgradé. Là. Il y a OWC qui risque d'en sortir. On peut ajouter du RAM, effectivement. Puis on peut ajouter, en fait, du stockage pratiquement à l'infini avec les Thunderbolt. Il y a 3 contrôleurs, 6 connecteurs. Ouais. Puis ils peuvent se daisy-chainer. Il y a, je pense, 2 ports HDMI. Hein? Il n'y a pas d'HDMI. C'est tout du... pour les écrans, c'est tous des ports... Il me semble qu'il y a un HD... Parce que c'est écrit que ça supporte le 4K, parce que c'est mon prochain assure pour moi. Ça supporte le 4K. C'est la norme 1.4, le 4K, je pense. À date, oui. Du HDMI, oui. Mais il est censé être mis à jour pour pouvoir supporter la norme 2.0. Okay. Juste une petite seconde. Parce que avec le CES là, qu'il y avait, on a bien vu que le 4K, là, ça s'en vient, puis que les prix là, cette année devraient, beaucoup baisser. D'après moi, ça ne serait pas cette année, ça. D'après moi, le 4K n'arrivera pas cette année, je pense, dans les maisons de Pierre-Jean-Jacques. Ben, j'ai vu, juste dans le temps des fêtes, là, des télés 4K qui venaient de Chine, là, pas Sony. Là, à 1 000 là. Autour de 2 000, là, en bas de 2 000. Mm. Donc, quand même, pour une 58 pouces, c'est quand même pas si pire. Okay. Donc, ça s'en vient. Là. Ouais, mais qu'est-ce qu'on voit le contenu? C'est ça, je m'en allais dire. Qu'est-ce qu'on fait avec une TV de 2 000 $ de 4K? Qu'est-ce qu'on fait avec? On fait quoi avec présentement? Bien, il y a des processeurs Surround qui upscale, là, donc tu peux quand même, bénéficier un peu. Mais c'est sûr que moi, j'utilise, comme là, j'utilisais jusqu'à récemment un écran de 1080p. Comme moniteur pour faire mes montages vidéo. Parce que c'est dans Final Cut, tu vas le voir. Moi, je travaille sur mon... C'est le fun d'avoir ton timeline. Je travaille sur mon écran. Je travaille dans ma TV de salon, moi. C'est ça. Mon Apple TV. Là. Il y a un HDMI sur le Mac Pro. Un HDMI, mais qui supporte le 4K. En fait, il supporte en upscaling parce qu'en fait, il supporte, mais à 30 Hz, à 30 MHz, c'est-à-dire. C'est la norme 2.0 qui va supporter le 60 Hz, mais je pense qu'il va avoir une mise à jour, en fait, quand elle va être entérinée. Firmware, là. Oui. OK, pas hardware, là. Non. OK, bon, ça, c'est gérable. Oui. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, qu'avec Final Cut, c'est le fun d'avoir un écran 58 pouces. Ben oui. Pour le prix, ben, comme une télé, dans le fond, si tu achètes l'écran cinéma display, là... Thunderbolt à 1000 $ À 1000 $ ben pour le même prix, tu peux avoir une télé 50 pouces. J'ai 50 pouces dans mon salon, moi, puis ben, ça fonctionne très bien avec mon j'ai ça dans mon bureau comme moniteur. Ah, okay. Je l'ai quasiment mais en face. Pas c'est pas gros, mettons, si tu es assis sur un bureau, puis là, ta TV est là. Ben ça... c'est gros, mais quand tu fais du Final Cut, t'as ton... Oh, t'as le timeline au complet. Ben c'est ça, ouais. T'as le timeline en bas, puis tu vois ton image, la grosseur dans le fond d'un écran ordinaire. Oui, c'est vrai. Ouais. Quand tu es en browsing normal ou en mode normal, ben tu peux avoir ton mail, ton Safari, puis une autre affaire d'ouvert tout en même temps, puis tu mets quand même pas si pire. Là. Mais c'est ça, mais... Il y a toujours eu, par contre, une différence entre une télévision et un écran d'ordinateur, puis oui. c'est là que j'aimerais, en fait, puis je me suis pas renseigné, mais tu sais... Si des télés 50 pouces, c'est 1000 piastres, ça veut dire que pour 1000 piastres, tu es capable de te mettre deux écrans 4K de 50 pouces branchés sur ton ordinateur en HDMI puis travailler là-dessus. Mais pourquoi d'abord l'écran Sharp de 32 pouces que Apple vend sur le App Store est comme autour de 3 500 $ Il y a une différence. La qualité de la dalle n'est pas la même. Non, c'est que l'écran qu'Apple vend... Il est en 2500 quelque chose par 1600. Là, non, je ne te parle pas du Thunderbolt. Il y a un écran Sharp qui est vendu sur le Apple Store. Avec le Mac Pro. Avec le Mac Pro, qui peut être acheté avec le Mac Pro et qui est autour de 3 500 $ pour un écran. 4K. Donc, c'est un écran 4K, mais c'est un écran d'ordinateur. C'est pas une télévision 4K. Ah. C'est là que j'aimerais savoir c'est quoi la différence entre les deux. Ça, moi, je ne l'ai pas essayé. C'est ça. Mais alors, tout ça, donc, pour dire que je suis hésitant, mais j'espérais peut-être d'avoir des rapports d'utilisateurs, c'est soit ça, heureux ou frustrés. Ah, parce que YouTube ont sorti, dans le dernier mois, je pense, ils ont sorti leur contenu 4K. Il y a certaines vidéos que tu as... Je l'ai essayé, là. Mon ordinateur, il n'a jamais cru à ça. Là. Il a arrêté, là. Ah ouais. Ben, essaye de faire rouler une vidéo 4K sur un... Tu sais, moi, c'est rien, ça, là. Fait que, oublie ça, il a arrêté complètement, là. Mais YouTube ont le contenu 4K, mais il n'y a pas un ordinateur à date qui est capable de faire lire du 4K, là, à part le Mac Pro. Puis c'est pas un Apple TV qui va lire du 4K, là. Puis il n'y a rien, il n'y a pas de lecteur Blu-ray encore. Il n'y a pas de lecteur Blu-ray 4K. Ils ont pas... Même nos diffuseurs ici, même aux États-Unis, ici au Canada et aux États-Unis, ne diffusent même pas en 1080p encore. Oui, mais apparemment, ça s'en vient. Mais sauf qu'il faudrait que même les chaînes qui sont encore en standard... qui ne sont pas HD. Ouais. Moi, si je serais CRTC, je dirais, vous voulez encore être là? Vous switchez au HD, là, parce que là, vous n'aurez plus le choix, parce que là, ils suivront, le monde ne suivront pas les standards que l'industrie donne, parce que ça marche peut-être, plus. Là. Mais honnêtement, toi et moi, la télé, on s'en fout. Non, je sais. Dire, on écoute tous du contenu sur le web maintenant. Oui, mais... Ben, faut pas... C'est parce que c'est pas tout le monde qui est là-dessus. C'est là. Ça. Monsieur et madame tout le monde, le 80% de la population qui... Oui, mais nous ici, puis les gens qui écoutent le podcast, c'est ça. On écoute toute la télé. Oui, mais c'est ça. Mais mon point est que Vidéotron, Bell, Name It, Cogeco ne diffusent pas encore en 1080p. On est en 2014. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce que ça prend. Je ne sais pas dans le fil combien ça prend de puissance pour shooter du 1080p, parce que même du 1080i, c'est du comme genre c'est du 720 compressé à mort. Là. Il shoot, ah oui, c'est du beau HD, mais ouais, tu vois les granules dans TV. Tu sais. Puis... Oui. En tout cas, je pense pas qu'on va être rendu au 4K. D'après moi, le 8K va être... Oui, mais avec le web, quand même, c'est avec des styles Vidéotron extrêmes, là, des bandes passantes quand même intéressantes. Mais il y a Netflix aussi qui a dit qu'il s'en venait en 4K aux États-Unis. Puis il disait juste 15 mégabits seconde d'Internet pour faire rouler le 4K. Le 4K de bonne qualité. De bonne qualité, mais on sait que Netflix, par exemple, upscale leurs films. Ce n'est pas les films originaux quand tu la jettes. Fait que j'ai hâte de voir quelle qualité que ça va donner en 4K sur le Netflix qui devrait commencer incessamment. Parce que même les consoles le next-gen, Xbox One et PS4, ne supportent pas le 4K. OK. Fait que le HDMI qui est à l'intérieur, c'est le HDMI qu'on retrouve dans toutes les bonnes TV LCD Dell. Fait que j'ai hâte de voir où ce que ça s'en va avec ça. Moi aussi, quand on va à Maison Sony ou Centre Eaton, puis là, tu passes devant Maison Sony, tu vois la TV Sony 4K. Là, tu tabarnouche que c'est ça! Ouais. Tu sais, tu mets un 1080p Blu-ray, ouais, et tu mets une TV 4K à la même grandeur, puis tu passes le Blu-ray et tu t'en vas regarder le match de soccer ou de football qui te passe à la Maison Sony, là, tu dis fuck it, j'en veux pas de cette TV-là, ça vaut pas de la chenoute. C'est l'enfer. Mais comment ils font? Qu'est-ce qu'ils diffusent sur la 4K? Ben, ça doit être une clé USB. Ils ont dû renderer un film eux-autres-mêmes. Parce qu'il n'y a rien. Tu peux pas aller chez Future Shop et demander « Je veux un lecteur 4K. » Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas encore. Il n'y a même pas le Blu-ray encore de sortie en 4K. Il n'y a même pas de norme encore. Fait que d'après moi, ils ont dû renderer un film puis ils ont mis sur une clé USB. Jamais je créerai. Là. Ouais. Fait que, mais c'est ça. Mais pour le streaming, mais c'est pour le contenu qu'on fait nous-mêmes, si on fait des podcasts en 4K, pourquoi pas? Eh, si, bon, ça va. On va commencer à s'acheter un. On voulait l'acheter, là. La télé. Le problème, c'est qu'avec ces caméras-là, on ne peut pas faire de diffusion live. C'est de l'enregistrement seulement. Ouais. Donc, ça peut pas streamer comme ça le fait avec une webcam actuellement. Ça pourrait le faire comment ça s'appelle, le ATM? Ouais, le Blackmagic. Le truc de Blackmagic, effectivement. Il y en a un, il y a quelqu'un qui a fait. Il a créé son propre MacBook Pro. Mac Pro. Son Mac Pro avec une poubelle. Puis il a mis un PC dedans. Il a mis un PC à l'intérieur. C'est pas le même ordinateur. Non, je le sais. Mais je dis, c'est assez méprendre, là. Là, il l'a mis rouge parce qu'il voulait le vendre, genre, je sais pas combien qu'ils l'ont. Bien, c'est lui. Ah, OK. Fait qu'il a pris une poubelle. Un Hackintosh, ça? Ouais, c'est un Hackintosh. Il est fonctionnel macOS. C'est un i3, je pense. Je pense marquer un plus bas. C'est un disque dur standard. C'est même pas un SSD qu'il y a dedans. Il n'est pas PCI Express. Non, la puissance de la machine n'a rien à voir avec un Mac Pro. Rien à voir, mais sauf vraiment que au niveau du look. Si, mettons, tu peux t'en faire un Mac Pro toi-même, là, puis tu te mets un SSD. OK. Mais bon. C'est juste ça de même. Tu peux t'en faire un quand même, là, pour moindre. Mais c'est sûr qu'à 3 000 $. Je sais pas ce qui arrive si tu te présentes avec ça au Genius Bar. Ils vont pas t'aider. Ils vont te retourner de bord. Apple, en fait, qui va rembourser plus de 32 millions en achats intégrés non autorisés. Donc, je sais pas comment ils vont vérifier. Je sais pas, moi non plus. Moi aussi, je me suis posé cette question-là. 32 millions, comment tu vas pouvoir me dire à moi que j'ai fait un achat non autorisé à cause de ton 15 minutes qu'un deadline entre quand tu mets ton mot de passe? Tu sais, je sais pas, moi, je sais pas comment ils vont faire. Je sais pas, mais je sais que je vais essayer de me faire rembourser plein de choses. Ben oui, dans Candy Crush ou je sais pas trop quoi, là. Ah, j'ai. Attends, c'était quoi, le. Plante contre Zombie? Ah, Plant vs Zombie, ouais. Deux. Donc, en fait, ils ont settlé pour 32 millions. Ils ont fait un arrangement hors cours pour 32 millions de dollars et ils vont le rembourser. C'est un article qui est disponible sur iPhone in Canada. Donc, vous pouvez aller voir ça. Sinon, il y a tomsguide.fr qui nous a fait un petit article sur ce qui a été intéressant au CES. On en a parlé au dernier podcast, mais évidemment, il y a les télévisions courbées, 4K, tout ça, qui ont trouvé bien intéressant. Il rappelle dans l'article le fail de Michael Bay qui s'est littéralement détruit sur la scène. Doc Brown qui est arrivé au CES en DeLorean avec une vieille guitare. Le robot Kicker, je l'avais pas vu passer, qui se déplace de pièce en pièce pour jouer au projectionniste. Donc, c'est un projecteur qui se déplace. Des designs qui sont très Apple. Withing Aura, qui dormir fait partie des quelques besoins de son corps. Donc, c'est un appareil pour aider à dormir, probablement au niveau de la lumière. Une imprimante 3D à bonbons. Les grands absents du CES, on nous dit que c'est les smartphones qui maintenant, en fait, ont décidé de faire des lancements un peu comme Apple, c'est-à-dire chaque compagnie. Eux sont décidés. Et surtout, pas très près du mois d'octobre le plus possible. Donc, non, c'est ça. Une fois que la folie des ventes du iPhone c'est terminé, du nouveau modèle. Et six mois avant que les rumeurs reprennent fait pour... Fait que c'est là, là. C'est ça. Ça va être là, là. Voilà. Donc, KitKat, tout ça. Sinon, j'essaie de voir rapidement. Bon, évidemment, il y a tout... parce que une des grandes tendances du CES cette année, c'était les objets connectés. Hein. Ouais. On a vu, on en a parlé au dernier podcast, on a vu une mijoteuse connectée par Belkin, une brosse à dents Colibri, on en avait parlé, tout ça. On a même vu un frigidaire connecté, piraté cette semaine. Piraté? Oui, ils ont hacké un frigidaire. À quoi il sert le frigidaire exactement? Ben, c'est, mettons, tu rentres, tu arrives, tu vas faire ton épicerie, puis tu rentres, tu scannes tous tes produits, il y a un scanner, tu vas scanner. Puis il va te dire, OK, tu vas manquer. Puis là, le frigidaire va t'envoyer un tweet, oui. Un texto, en fait, whatever. Le projet original, ça vient de Samsung, oui, Samsung City. Oui. Et donc, tu achètes ton lait, par exemple, ou ton épicerie au magasin Samsung. Et tu habites dans la tour Samsung et tu as donc des électroménagers Samsung. Et dans ta pinte de lait, par exemple, il y a un RFID, donc comme ta carte au puce. Donc, quand tu mets ta pinte de lait dans le frigo, il sait que c'est une pinte de lait parce qu'il y a le scanner. Et il y a une balance, donc il calcule le poids du lait quand tu le mets. Chaque fois que tu sors la pinte de lait du frigo, mettons, je sais pas, tu mets du lait dans tes céréales, tu le remets dans le frigo, donc il sait que tu as sorti la pinte de lait, tu l'as remis, et il voit la différence de poids, donc il calcule la quantité de lait. Et quand tu arrives à un certain minimum, l'ordinateur de ton frigo va commander au Samsung Store, va commander du lait, donc demain matin, tu vas chercher ton journal, puis à côté de ton journal, tu as ta pinte de lait, donc ou du pain, ou du fromage. Ça me gosse, moi. Ça te gosse? Moi, j'aimerais pas savoir ça. Je sais pas, là, moi... Que ça commande automatiquement. Ouais, ça me... Si je veux passer 2-3 jours sans prendre de produits laitiers... Ben oui, moi aussi, j'en bois... C'est ça, moi non plus, j'en bois pas de lait. Ben, j'imagine, si tu vas dans tes préférences, tu peux probablement... Il y a sûrement un setting pour ça. Mais parce que, si, mettons, t'as pas d'argent, là, mettons. Là. C'est con, là. T'as pas une scène, là. Ben là, c'est pas grave, il y a Samsung Credit. Ouais, c'est ça. Mais là, ça, c'est les employés... C'est tous des employés de la compagnie Samsung, donc j'imagine ils peuvent le prendre directement sur ton chèque de paye. Ouais. Mais l'idée, c'est... Ah, oh, c'est tellement ça qu'ils veulent faire, en plus. Oui, ben avec les bitcoins aussi, peut-être. Ah, ben oui. Mais c'est vraiment l'idée de la domotique, mais poussée à un autre niveau. Ouais. Donc, c'est vraiment l'Internet des objets. Là. C'est vers ça qu'on s'en va. Donc, tu as la capacité d'avoir tout intégré, d'avoir vraiment un autre niveau de domotique. Mm. Donc, c'est vers ça qu'on... Vers cette capacité-là qu'on s'en va. Après ça, ce sera à toi de décider si tu le veux ou pas. C'est ça. Comme c'est toi qui décides quelle photo que tu mets sur ta page Facebook. Ben oui, c'est clair. C'est vraiment vers ça qu'on s'en va. C'est ce qu'appelle l'Internet des objets. Là. Oui. Donc, tout est connecté. Ta télé, ton frigo, on voit des chandails qui vont regarder, en fait, ton taux de sudation, qu'est-ce que tu as dans le truc. Ça. Cette semaine, il y a même Google qui a annoncé des lentilles cornéennes avec une puce dedans pour les diabétiques, parce que c'est un des seuls moyens de pouvoir lire en temps réel. Oui. Puis tu sais, tu aurais, par exemple, ta toilette Samsung qui va faire un test d'urine à chaque fois que tu vas à la salle de bain. Donc, il va envoyer directement les résultats à ton médecin. Le taux de THC qui va sortir de là. Puis... Ben là, peut-être pour toi, mais pour moi, ça serait peut-être plus le taux de sucre, admettons, ou s'il y a du sang dans l'urine ou des choses comme ça. Ou si tu as le cancer. Mais c'est pas grave, le taux de THC, Obama, il va nous régler ça. Ben oui. Justin va te régler ça. Oui, aussi. Justin. Seigneur. Parlons de d'autres nouvelles que de Justin. On va le couper au montage. certains MacBook Pro, si vous avez un MacBook Pro 2011, certains auraient des problèmes de GPU. C'est pas la première fois que les portables de Apple ont des problèmes. Je me souviens, en fait, la deuxième ou troisième génération de MacBook Pro avait eu des chips NVIDIA, les 8600 GT, et il y a eu un rappel assez important de ça. Donc, si vous commencez à avoir des problèmes avec ça, allez vous plaindre directement sur le site, sur les le forum de support d'Apple. Il y a des pages et des pages, et quand le nombre va atteindre un certain montant, là, une masse critique, Apple va devoir faire un rappel là-dessus, et eux vont s'arranger avec le fournisseur du produit. Ils vont avoir une deuxième version de carte mère qui va être faite, qui va être distribuée dans les Apple Store, et vous allez pouvoir la faire changer. Apple essaie probablement d'étirer au plus la sauce pour que les produits dépassent passe 3 ans de garantie. C'est les modèles fin 2011. C'est ça, mais fin 2011, ça commence 2012. Là, ça, ouais, ouais. Un AppleCare, ça fonctionne jusqu'en 2015. Ouais. Mais s'il y a un rappel, même si vous n'avez pas le AppleCare, ça peut être couvert ouais. par une prolongation de garantie ou une extension. Et comment tu le sais que tu as le problème? C'est quoi les symptômes? Des glitches, l'écran a fait... L'image est doublée. Ah, tu as un problème avec ton écran. Okay. Puis, c'est une image et ça chauffe. Il y a 160 pages déjà sur... Ah, 160 pages? Oui. Le bug toucherait les Mac Pro, les MacBook Pro équipés d'un GPU intégré graphique 3000 accompagné d'une vraie carte vidéo. Donc, uniquement des MacBook ouais. Pro 15 pouces, soit les HD 6750, les 6490M ou les 6970M ou 6770M. Pour l'heure, en fait, en ce moment, la facture est d'environ 500... c'est un site français, donc c'est 500 euros, donc presque 1000 $ ouais. Pour changer ouais. la carte maîtresse pour un ordinateur qui en vaut à peu près ça ouais. actuellement. C'est là, ça. Mais c'est comme toi, c'est comme ton Retina. Je ne sais pas c'est quoi l'application que... Je ne sais pas si tu l'utilises encore, tu sais, qui te montre, like, OK, je suis là, j'ai des 4000. Ouais, c'est GraphFX. Oui, c'est ça. Mais à un moment donné, tu m'avais dit que toi aussi, tu avais des problèmes. Des fois, elle embarquait, des fois, elle embarquait pas. C'est bizarre, en fait. Tu rentres dans une application, tu fais comme, mais pourquoi elle embarque? Puis tu débarques de l'application, puis whoop, elle se ferme pas. C'est assez bizarre comment c'est géré. Il y a peut-être des petits bugs à ce niveau-là. Puis, mais ça, c'est géré par le système? Oui. Ou... Oui, c'est le système qui gère le... C'est ça. Le switch de l'un à l'autre. Mm. Sinon, en fait, si tu disais être intéressé par un Mac Pro, eh bien, de toute façon, le temps de livraison est repoussé jusqu'à mars. Donc, les premiers qui ont été fabriqués ont été commandés très rapidement la première journée. Et en ce moment, si tu commandes un Mac Pro, la date d'arrivée, là, c'est autour de 6 semaines, donc autour du mois de mars quand bon, même. C'est ça qu'on va attendre encore. Voilà. Puis, en fait, on va avoir d'ici ce temps-là, parce que si tu attends jusqu'au mois de mars, ils vont avoir la chaîne de montage va être assez rodée. Tout ça, c'est fait aux États-Unis de toute façon. Donc, ouais. le temps de livraison est beaucoup plus court que si ça avait été fait en Chine. Et plus court dans la mesure où ils ont l'ordinateur à chipper. Puis, à ce moment-là, tu vas avoir eu le temps de voir sur Internet et on aura eu le temps de t'informer tenez-moi au courant, on va suivre ça. Voilà, effectivement, si on voit des nouvelles par rapport à ça, on va te le dire. Sinon, une nouvelle, en fait, je pense qu'on en avait même parlé au dernier podcast. Siri qui a donné son opinion sur le film Elle, ou Her en anglais, qui est un film mettant en vedette Joaquin Phoenix. En fait, ce qui se passe, c'est que on a posé la question à Scarlett Johansson, qui fait la voix de Elle dans le film, et elle a joué le jeu, puis elle a commencé à faire une petite fight avec Siri, ce qui était très drôle. J'ai hâte de le voir, ce film-là. Je n'irai pas le voir au cinéma, là, ça c'est clair, là, c'est pas un film que tu vas voir au cinéma, là. Mais j'ai hâte de le voir quand même. Moi, je l'ai téléchargé en fin de semaine, puis... et j'ai écouté les 5-10 premières minutes, puis... je n'étais pas convaincu. Ah non? J'ai arrêté, j'ai dit « Ah, oh, ça... » Ah ouais. Okay. Ouais, je vais aller m'ouvrir une bouteille de vin, puis peut-être je l'écouterai après, okay. Je vais trouver meilleur. Mais en tout cas, parce que c'est comme Simone, c'est-tu ça l'autre? Ça, c'est il y a plus longtemps, là. C'était ouais. avec, c'était avec Al Pacino. Oui, Al Pacino, c'est ça. C'est ouais, ça, ouais. Simone, il y avait ça aussi. Ça, c'était pas spé. C'était un mannequin. Ouais, c'est ça, exactement. Non, c'était une poupée virtuelle. C'était une poupée virtuelle. Ouais. Puis, c'est ça. Mais ça, quand j'ai vu Her, genre, en tout cas, je vais attendre que je vois le pogner. Ouais, je sais pas, en tout cas, j'ai pas été emballé, mais bon, peut-être une autre fin de semaine là, qu'il n'y aura pas de rien de bon à downloader. Non. Je me réessayerai. Bon. Next. Oui. Il y a Verizon qui serait toujours intéressé à s'implanter au Canada. C'est une rumeur, en fait, parce qu'au départ, ils ont dit qu'ils n'ont jamais été intéressés. Non. Après qu'on ait lancé... D'abord, en fait, faut remettre les éléments. Donc, le CRTC a mis des règles pour les prochaines audiences, les prochaines ventes aux enchères. Donc, c'est là, je pense. Oui, c'est ça, exactement, ouais. qui sont disponibles. Et ils ont dit que les Big Four qui étaient là ne pourraient pas bider sur ces trucs-là. Et là, ils ont eu très, très peur parce qu'il y a une rumeur qui est sortie que Verizon serait probablement intéressé à venir s'établir au Canada. Et vu la rumeur, en fait, il y a eu une réponse des distributeurs de services ici, les Big Four, qui ont commencé à pleine page à acheter des publicités, puis à dire qu'il ne fallait pas laisser faire ça, puis que ce n'était pas une bonne idée. Ouais, c'est clair. Parce que, ça allait briser leur monopole, ou leur oligopole, plutôt. Mm-hmm. On pourrait payer moins cher pour le service. C'est ça. Ouais. Non, ça serait dommage. Ça serait vraiment dommage. Et Verizon, en fait, qui a carrément dit, écoutez, nous autres, on pense que si on va au Canada et qu'on rajoute de la concurrence, la problématique, c'est qu'il n'y aura plus assez d'argent pour... tu sais, il n'y a pas... La tarte à se séparer n'est pas assez grosse pour 5 joueurs. Donc, moi, je serais comme le 5e joueur. Ouais. La tarte ne serait pas assez grosse pour ça. Et d'ailleurs, il y a un des deux plus petits joueurs qui a été racheté par TELUS, si je ne me trompe pas. Il y a Wind Mobile qui a été racheté par TELUS récemment. Okay. En fait, Vidéotron serait... c'est la prochaine nouvelle Vidéotron qui serait intéressée à acquérir l'autre petit joueur qui est Mobilicity. Donc, pour avoir probablement accès aux ondes. Donc, Vidéotron, en fait, là, on entend un paquet de rumeurs depuis une couple de semaines. Ils vont se connecter sur le réseau LTE de Rogers. Non, mais ça, c'est pas une rumeur, là. Ils l'ont pas dit, ça, Vidéotron, qu'ils s'en allaient avec Rogers? Ou un partenariat avec Rogers? Peut-être. Et ce qu'on ne sait pas, par exemple, parce que là, ils ont des promotions qui sont relativement intéressantes. Ben oui. À 70 $ pour limiter... 80 $ pour limiter au complet... Puis à 5 gigs, ils baissent la vitesse. Mais la vitesse qu'ils ont, ce n'est pas du... C'est HDSPA plus, donc c'est 15 mégabits seconde. Ouais. C'est pas du LTE qui peut se rendre théoriquement à 100, mais qui roule à peu près à 22. 27 à Montréal, là. Exactement. C'est comme dégueulasse. Là. Et donc là, ils seraient intéressés à acheter Mobilicity. Probablement que Mobilicity a accès à des lignes, des fréquences sûrement. LTE. Ça semble bouger. Ça serait intéressant qu'on paye moins cher, surtout que depuis qu'ils nous ont mis à 2 ans, les forfaits ont augmenté de façon ridicule. Ton forfait, toi, c'est... Moi, c'est un vieux forfait. Mais t'es-tu encore sur le 2 ans, toi? T'es sur le 2 ans, toi, là ou... Moi, j'ai renouvelé, fait que théoriquement, maintenant, je suis sur le 2 ans. Ça, tu l'as acheté. Ah non, tu l'as pas acheté, toi? Non, j'ai pris un nouveau c'est forfait. C'est ça, t'as pris... Je change aux 2 ans, bref. OK. Fait que, tu sais, moi, j'ai encore mon forfait à 60 $ là, avec 6 gigs, là. Fait que ça se fait plus, là. Tu sais, quand t'es voué des fidos à 40 $ à 400 megs, là, tu leur ris dans la face, là. Non, mais c'est... Moi, j'ai réussi à me négocier un 10 gigs à 50 $. Fait que... Ouais. Mais tu sais, c'est parce que les téléphones vont toujours de plus en plus vite, puis ils ouvrent toujours comme, mise à jour des logiciels automatiques, synchronisation avec iCloud, Clickit. Puis là, tu te retrouves à la fin du mois, puis tu fais comme, pourquoi mon 6 gig est dépassé? Ça? Fait que, faut dire aussi, la majorité du monde, même si on 6 gig, n'utilise pas 6 gigs sur leur téléphone. Non, là, vraiment pas. Moi, je suis à peu près à 1 gig. Ah, mon Dieu, on te fait ça en 3 jours, nous autres. C'est comme... Non, mais c'est vrai, là. Tu sais, je veux dire, on n'est pas une grosse batch de monde qui utilise beaucoup de bandwidth. C'est comme le monde à maison qui ont payé pour le 10 $ pour avoir les limités. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'illimité, toi, si tu connais rien sur Internet? Si tu regardes tout.tv, ouais. YouTube, puis ces affaires-là. Netflix, ça consomme beaucoup. Tout.tv, ça consomme beaucoup si t'es en bonne qualité. Mais si t'as 60 gigs par mois, tu n'en masses. Mais ceux qui ont payé 10 pour avoir... Moi, je fais de la web télé, puis je fais des cours en ligne. Ouais, donc, je le dépassais, moi. Moi, je fais des 800 gigs par mois. Ah, là, je dirais pas ce que je fais, mais c'est ça. Est-ce que c'est légal? Oui, c'est ça. Okay. Fait que, c'est ça. Tu sais, c'est comme une 800, 900. Le premier mois, quand j'ai eu l'illimité, là, 975 gigs. Wow! mais depuis, tu ne l'as plus fait. Non, je ne l'ai plus fait, mais je me tiens encore dans le 700-800 par mois, là. Parce que, tu sais, quand tu en télécharges, hein, tu laisses ça passer toute la nuit, puis le lendemain, tu es là. C'est ça. Ça prend pas mal d'espace disque. Oui, j'en ai une couple. Il faut que je m'en rachète un autre, là. Okay. Un NAS, là, je vais peut-être au printemps, je vais t'appeler. Là. Ah oui? Ouais. Oh, on va regarder ça. Excellent. Prochaine nouvelle, je me suis un petit peu déplacé. Pas de trop. J'en ai déjà parlé, Vidéotron qui serait intéressé à acquérir Mobilicity. Sinon, en fait, c'est qu'Apple serait intéressé, puis c'est une rumeur qui ressort souvent, à utiliser l'alliage Liquid Metal pour d'autres parties du iPhone. En fait, il n'y a pas d'autres parties du iPhone. La seule chose qu'ils font actuellement... On va demander, est-ce que tu le sais? C'est quoi la partie du... Quand tu ajoutes un iPhone, c'est quoi la partie qui est en fait en Liquid Metal? Aucune idée. C'est la pin c'est pour, la ouvrir, pin pour le... ouvrir ta carte SIM. La carte SIM. Ah bon. Donc, c'est même pas de l'aluminium, c'est le Liquid Metal, c'est la compagnie qu'Apple a acheté. Non, ils n'ont pas acheté, ils ont acheté une licence. Ils ont acheté une licence, oui, c'est vrai. Et c'est la seule partie du téléphone qu'on peut dire qui est en Liquid Metal. Ah bon. C'est quelque chose que j'utilise régulièrement. Tu prends une trombone, tu fais la même affaire, mais c'est la seule affaire. Il n'y a pas d'autre chose au monde qui est utilisée. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses au monde qui utilisent de l'Liquid Metal. Je ne sais pas. Mais je ne pense pas pour l'instant. Mais bon. Finalement, en fait, pour nos nouvelles de la semaine, Google Now, qui bientôt pourrait être disponible sur OS X, en fait, ça l'est déjà si vous téléchargez la version la plus bêta de Google Chrome, qu'on appelle Canary. Même développeur l'est. OK. Donc, Canary est devenu développeur. À ce moment-là, il y a des Google Cards qui descendent et qui peuvent... c'est ça. Donc, mais sauf que la météo n'est pas bonne, n'est jamais bonne, fait jamais moins 5 sites à Montréal. Là. En ce moment, non, effectivement. Ils sont optimistes. Je si vous voulez sais pas. Faire descendre la température de Montréal, vous pouvez utiliser les Google Chrome. Pourquoi moins 5? Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. 12 000, je sais. Tantôt, c'était marqué zéro. Okay. Et là, comme là, je suis ici chez ClickPom et ils me sortent une carte pour me rendre chez moi. Okay. Parce que je suis branché avec mon compte Google et il sait où est-ce que j'habite puis il sait où est-ce que je travaille. Fait que là, il sait que je suis ici. C'est tellement réconfortant. Oui, c'est ça. Que c'est Google sache toutes ces informations-là. J'y ai pas demandé. Là, il vient juste de m'apparaître ça, que OK, je suis ici, ça me prendrait 15 minutes en chambre à rentrer chez nous. C'est peut-être ta femme, ton épouse qui l'a j'ai fait pas de, j'ai pas de femme, non. Non, t'as pas personne qui t'attend à la maison. Oui, mais c'est pas une femme. Bon, t'écouterais les anciens épisodes du podcast, ah, okay, ouais, okay. C'est ça. C'est pas de mes affaires. Moi, je m'en fous, moi. Moi, je suis ouvert à tout. Fait que c'est ça. Non, mais c'est ça. Ça fonctionne, il est là. C'est encore, je sais pas si c'est en version bêta, mais on sait que Google Now fonctionne très bien pour l'instant sur les plateformes Android et iOS. On a même vu un problème avec la version iOS que ça drainait une batterie si tu laissais l'application tout le temps ouvert à te localiser. Je l'ai activé, je ne sais plus trop quand, là, avant-hier, je ne sais plus quand. Là. Ça fonctionne, tu as des cartes qui apparaissent. Tu vois, mec, là, la météo ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi, là, mais moins 5, fais-moi moins 5. Ça fonctionne. J'ai même Google... voyons, comment tu appelles ça? Attendez un peu. Google Drive? Google non. Drive, non? Ah, OK, Google. Ah oui, c'est ça. Il est supposé de me le faire. Tu peux lui demander, tu peux commencer à lui parler. Oui, il est supposé de me l'activer, mais là, je pense qu'il veut pas, parce que je pense que c'est à cause du Now qui est allumé, puis que l'autre veut pas rien savoir. Parce que mon micro apparaît plus. Ouais, ah, c'est peut-être ça aussi. Mais en tout cas, ça marche plus. Fait que je peux y parler. Puis, je fais mes recherches sur Google. OK, Google, comme les lunettes. Comme la paire de lunettes Google qui s'en vient, tu lui dis OK Google, puis là tu y pars, puis tu cherches ça sur Google, puis t'as tout. Il y a des applications qui commencent à sortir pour les lunettes. Ah, et, c'est en dessin, j'étais sur Safari, c'est ben pas marché. Oui. Il y a des applications qui commencent à sortir pour les lunettes, et j'en ai vu une aujourd'hui qui est. En fait, c'est des commandes vocales que tu donnes au truc. Mais c'est des commandes vocales quand tu vas commencer à faire l'amour à ta douce, puis qu'elle aussi, elle a une paire de lunettes. Fait que là, tu lui donnes la première commande vocale qui est « OK, c'est le temps. OK, glass, it's time. » Puis ce que ça fait, c'est que la vision que l'autre personne a est transmise dans ton truc. Donc, tu es en train de faire le rôle du gars, mettons, ouais. Mais dans tes lunettes, tu vois ce que la fille, elle voit. Namely, une oreiller, là, ou je sais pas quoi, là, tu sais. Tu mets une oreiller d'en face à ta blonde quand tu fais l'amour? Non, non, non, mais... Okay. elle est inversée, là. Ça s'appelle OK, donc tu te vois, ouais, entre, tu vois, tu, à fond, tu analyses ta performance. C'est ça, oui, effectivement. Ah, bravo. Puis tu peux lui dire différentes commandes comme « Hey, donne-moi des idées. OK, glass, give me idea. » Puis là, tu as comme un Kamasutra qui va commencer à switcher dans ton... Bien, on va l'essayer. Je l'ai mis sur l'écran en arrière. Oui. OK, Google. OK, Google. Where I can buy a pizza? Fait que là, ils me sortent le... Ben là, ils sont aux États-Unis parce que... Tony's Pizza. Ouais. C'est pas Siri, hein? Non, where c'est... Where I can buy pizza. Ouais, c'est ça. Parce que là, mon Google, il est en... Ah, c'est ça, parce que je suis au .com. Je suis pas au .ca. Si okay. j'aurais été au .ca, il m'aurait sorti, ben... Si tu dis, where can I buy a pizza in Montreal? Ah, OK, Google. Where I can buy a pizza in Montreal? Here are the listings for I can buy a pizza near Montreal. C'est ça. Fait que ça fonctionne. C'est, je touche même plus à mon clavier quand je suis sur Google. OK, Google, puis tu veux? Ah ben oui. OK. Intéressant. Mais c'est ça le pays. Par exemple, là-dessus... Ça fonctionne-tu en français? Non, pas pour l'instant. Okay. C'est encore en anglais, mais c'est mieux que Siri, parce que Siri a de la misère à comprendre des fois. T'sais. Elle, tu y parles, parce que c'est une femme, là. Tu y parles et... Elle va te le traduire, puis tu le vois là, en direct, là, qu'est-ce que tu dis. Là. Tu sais, c'est comme, c'est super. Moi, j'aime. Ah, je l'aime bien. J'ai pas essayé ça, mais c'est à essayer. C'est un plugin que Google a sorti. C'est le plugin. Si je mets mes. Au lieu de faire mes keynotes, je mets ça en Google Apps. Je peux-tu contrôler ma présentation? Non, c'est juste sur Google. C'est juste les recherches que tu peux... Okay. Tu peux pas utiliser l'interface Chrome là, pour faire ça. C'est uniquement les recherches sur Google. C'est Google Voice Search Outward. OK. Fait que ça fonctionne. Fait que... On a une entrevue. Pas une entrevue, une chronique de nos amis Philippe et Philippe du Cacao Cast à vous faire écouter. Je ne sais pas si tu vas rester ou si tu non, vas moi, nous vais quitter. Non, moi, je vais vous quitter. Pour, OK, excellent. Oui, je vais vous laisser ma chaise pour la prochaine entrevue. Pas de problème. Il n'y en a pas de cellulaire aujourd'hui, là, mais il n'y a pas de problème. Sinon, en fait, dans les nouvelles qu'on a eues ces deux dernières semaines, le 1er février, Apple va demander à ce que toutes les soumissions de nouvelles applications soient optimisées pour iOS 7. Donc, c'est assez intéressant de savoir ça parce qu'on sait que les nouvelles applications qui vont arriver vont devoir, en fait, supporter ces nouvelles fonctionnalités-là qu'on a eues dans iOS 7. Donc, les nouveaux guidelines. On vous laisse, en fait, tu vas pouvoir fermer les micros, mais laisser mon iPod. Combien de temps ça dure, là? Ça dure, je vais vous partir ça, mais avant un petit jingle Mac-Québec. Mac-Québec, le podcast. Bonjour, je suis Philippe Guittard. Et moi, Philippe Casgrain. Nous sommes les Laura et les Hardy du podcast Cacao Cast. Nous parlons des nouvelles concernant les développeurs iOS et macOS. Nous allons commencer par un outil qui est pratique pour les utilisateurs de Mavericks. Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais dans Mavericks, vous n'avez plus l'option de partage web. Donc, quand vous alliez dans l'option réseau, je crois. Non, l'option partage, il y a tout un chose. Partage de fichiers, partage d'imprimantes, partage de beaucoup de choses. Et avant Mavericks, il y avait aussi partage web. Donc, ça vous permettait de démarrer un serveur Apache sous S10 et puis de pouvoir créer vos services web ou vos pages web et puis pouvoir les partager sur votre réseau local ou sur Internet. Malheureusement, il a disparu dans Mavericks et un développeur a eu la bonne idée de développer une option pour le panneau de contrôle de votre Mac qui vous permet de ramener cette option qui a disparu. Donc, vous avez maintenant un bouton individuel, vous pouvez réactiver votre partage web et ça va donc démarrer votre serveur Apache sous Mavericks et vous pouvez ensuite partager vos sites. Parce que ce qu'il faut bien dire, c'est que le serveur Apache existe encore sous Mavericks. C'est un outil en ligne de commande. On peut le démarrer, on peut l'arrêter en ligne de commande. Mais pour savoir comment faire, c'est un peu plus complexe. Si on est habitué de toujours le faire dans le panneau de contrôle, ça fonctionne pas. La fonctionnalité du panneau de contrôle a migré sous macOS 10 Server, dont on a déjà parlé, qui est maintenant gratuit pour tous les développeurs iOS et macOS. Mais on ne veut pas nécessairement installer macOS 10 Server pour simplement avoir un serveur web qui existe par ailleurs déjà, pour simplement avoir un bouton. Alors ce petit panneau-là, ça nous donne un petit bouton facile à utiliser pour démarrer et arrêter le serveur. Ça permet même de rajouter des sites virtuels. Comme par exemple, vous pouvez dire, moi je développe mon site tourloo.exemple.com. Eh bien voilà, vous pouvez rentrer ça dans votre panneau et quand vous allez dans votre navigateur sur tourloo.exemple.com, ça fonctionne. Ça va directement sur votre site de votre serveur, de votre Mac local. Alors, pour trouver cet outil, vous allez sur le site clickontyler.com, clickontyler.com, / web sharing, /sharing, web sharing. On va parler maintenant d'un autre outil qui est un petit peu dans la même veine. Hein. C'est un outil qui aide un petit peu la vie des utilisateurs du Mac. Et c'est un outil d'édition des préférences. Donc, vous avez peut-être entendu parler de la commande default, defaults, defaults en anglais, qui vous permet donc de modifier des fameux fichiers de préférence, des fichiers plist, qui sont utilisés un petit peu pour piloter le paramétrage de votre environnement. Donc, quand vous faites un changement de paramétrage dans le Finder, par exemple, vous changez la taille des icônes ou l'arrangement des fenêtres ou des choses comme ça, c'est stocké dans ces fameux fichiers plist. Et vous avez dû voir certainement dans la presse ou dans des blogs des astuces qui vous disent comment ramener d'anciens looks d'une version précédente. Ou encore faire apparaître le dossier bibliothèque qui est maintenant caché sous Mountain Lion et Mavericks. Exactement. Donc jusque-là, on vous disait d'ouvrir le terminal et puis il faut taper des commandes un peu ésotériques, donc defaults avec certaines options et puis le nom de la préférence. Pour certaines personnes, c'est un petit peu intimidant hein, d'aller dans l'application terminale. Donc, il y a un développeur qui a eu aussi la bonne idée de développer une application qui permet d'ouvrir ces fichiers plist de façon graphique. Hein. Donc, ça va apparaître sous la forme d'une liste dans une fenêtre. Et puis, ça va aussi vous permettre d'éditer les différents types de paramètres d'une façon plus simple. Donc, si c'est un booléen, par exemple, vrai-faux, eh ben, vous avez juste une cache à cocher. Donc, cocher, c'est vrai, et décocher, c'est faux. Donc, c'est pas mal pratique pour ça, ça facilite la vie, ça devient un peu plus facile. Faut bien sûr ne pas abuser de ce genre de pouvoir, on peut très vite faire des bêtises et puis votre Mac ne marchera plus du tout, il y aura vraiment des problèmes, ça ne fonctionnera pas. Ceci dit, c'est votre application qui ne fonctionnera pas bien. Alors si, oui. Généralement, ces fichiers de préférence-là, vous pouvez les mettre à la poubelle s'ils ne fonctionnent pas et le programme va les recréer parce qu'il ne s'attend pas à avoir il va mettre des valeurs par défaut dedans. Donc, à utiliser avec prudence, mais il y a quand même bien des choses qu'on peut faire pour changer les valeurs. Et c'est généralement des valeurs au niveau utilisateur et non pas au niveau système. Donc, la probabilité que votre Mac ne fonctionne plus du tout après, bon, c'est vrai dans n'importe quel truc, là, mais dans ce cas-ci, je pense que c'est quand même mitigé. Exactement. Donc, vous trouverez cet outil Prefs Editor sur le site temple.org, T-E-M-P-E-L.org. Et l'outil s'appelle encore Prefs Editor. On va finir par un sujet un petit peu plus technique hein, qui va intéresser les développeurs hein, qui créent des applications et qui ont besoin en général souvent de pouvoir distribuer leurs applications aux développeurs. Et ils ont peut-être rencontré ce problème dont on va parler maintenant. Donc Philippe, c'est au sujet de la signature des applications. Voilà. Alors quand on crée une application sous macOS 10 et sous iOS, mais là on va parler spécifiquement de macOS 10, il y a un outil qui s'appelle CodeSign qui permet de faire la signature de l'application pour appliquer une signature cryptographique. C'est essentiel évidemment pour iOS. Ce n'est pas nécessaire pour macOS, sauf si vous voulez faire une application en tant que développeur enregistré pour passer par-dessus la protection Gatekeeper qui existe dans Mountain Lion et dans Mavericks là, pour être accepté. Donc vous avez votre certificat, vous faites la signature. Le problème, c'est que cette signature-là est dépendante des fois d'une connexion Internet ou d'un serveur Apple qui s'appelle Timestamp qui permet de mettre une date sur la signature, de valider la date sur la signature parce que Apple ne fait pas confiance à la date sur votre ordinateur. Et d'avoir cette signature-là activée, si le serveur n'est pas présent, la signature ne fonctionnera pas et vous ne pourrez pas signer votre application, ce qui est un peu embêtant parce que votre build ne fonctionne plus. Donc, si vous voulez développer une version pour donner à quelqu'un et vous voulez qu'elle soit bien signée, puis que le serveur ne fonctionne pas, ben, vous pouvez pas, vous êtes obligé d'attendre. L'autre raison pour laquelle vous voudriez signer vos builds, même si c'est un build pour vous-même, par exemple, c'est un build debug que vous ne voulez pas distribuer à personne, mais vous voulez la tester vous-même, c'est que si vous utilisez le trousseau d'accès, alors que vous, ce que vous faites, c'est vous avez accès à des informations comme des mots de passe dans le trousseau d'accès. Si vous avez besoin de ces informations-là, par exemple, vous êtes un éditeur web ou des choses comme ça, chaque nouveau build doit autoriser l'accès au trousseau d'accès. Donc, vous devez entrer votre mot de passe pour dire « oui, je voudrais accepter ces genres de choses-là », un peu comme parce que chaque nouveau build est une nouvelle version. Si vous, votre build est signé, c'est implicite que vous avez accès au trousseau d'accès si vous y avez déjà donné accès. Donc, c'est important pour les développeurs de pouvoir faire aussi, en mode debug, la signature. Mais si le serveur de timestamp ne fonctionne pas, on est encore coincé. Donc, il y a une petite option qu'on peut rajouter en ligne de commande, et Philippe, tu vas nous la présenter. C'est simplement pour vous permettre de désactiver le timestamp en debug. Donc, vous faites signer votre application, la signature est valide, elle n'est juste pas étampée pour la bonne date. Alors, Philippe, cette option? Je la retrouve. Donc, c'est une option qui s'appelle Other Code Sign Flags égale --timestamp égale none. Donc, ouais. C'est un petit peu technique. Essayez pas de taper ça tout de suite. Allez sur le blog de Indiestack, indiestack.com, et puis vous trouverez ça dans la section 2014, mois de janvier. Vous trouverez tous les détails. C'est tout expliqué en long et en large. Voilà, donc c'est tout pour cette capsule. On rend maintenant la main à Mac Québec. Mac Québec, le podcast. Rebonjour tout le monde, nous voici en studio. Merci beaucoup à Philippe et Philippe pour cette intéressante capsule. On vous invite à vous inscrire à leur podcast disponible sur iTunes. Tous les gens qui sont intéressés par le développement, les outils de développement, tout ça, c'est très, très pointu, mais fort intéressant. Donc, CacaoCast. Pour retourner à notre document, en fait, on est aux découvertes. Oui, aux découvertes. Mais avant ça, une petite publicité. Mac Québec, le podcast. Besoin d'aide pour votre réseau informatique? Faites appel aux experts de ClickPom, entreprise spécialiste en solutions informatiques des produits Apple. Que vous soyez un professionnel ou une entreprise, ClickPom peut vous aider dans l'intégration, le déploiement et le support de votre parc informatique. Visitez notre site web pour plus de détails au www.clickpom.com. ClickPom, le meilleur de la pomme sans les pépins. Mac Québec, le podcast. Désolé pour ce moment, Julie Snyder, on est revenu 10 secondes. 30 secondes, là, ouais, ouais. C'est ça. Ils l'ont fait à la voix dimanche, j'ai temps. Bon, paraît que c'était pas pire, la voix. Moi, j'ai trouvé ça ordinaire. Pas trop chaud, puis... Non, c'est ça, moi, j'ai trouvé ça ordinaire. C'était pareil comme l'année passée. Il y en avait 3-4 qui étaient malades, qui comptaient que... C'est plate, là, je m'excuse, mais... Okay, mais ça a l'air qu'ils ont moins utilisé là, les espèces de drames. Oui, c'est ça. Il y en a moins, mais il y en a encore. Tiens, je veux dire, c'est ça. C'est pour que tu t'attaches à eux. Nos découvertes puis applications de la semaine, en fait, la première, c'est un retour aux sources pour Linksys Cisco. Oui. Cisco qui appartient à Linksys, qui annonce un nouveau routeur de la série WART. J'en ai-tu installé des routeurs de la série? Je pense que j'en ai 3 qui traînent dans mon garde-robe chez nous. Les WART 54G, ouais. C'est considéré par beaucoup. En fait, c'est le routeur qui a été le plus vendu au monde, ouais. Fort probablement. On rappelle comment il est fait. Petite boîte, ça, bleue, avec 2 antennes. Ping! Oui. Et là, ils ont décidé d'en ressortir un autre et d'utiliser, parce que depuis quelque temps, ils utilisent un peu plus un style cockroach. Ouais, c'est pas beau, c'est... Ouais. C'est noir, c'est drab, ouais. Ça ressemble à, rien. Donc, ils ont ressorti ce design-là. Il est plus carré, il est comme octogonal. Très, très bizarre, Et c'est ce qui est intéressant de la série WART 54. G, ou en fait le numéro. GS, name it, là. Exactement. Il y en a eu tellement de versions. Voilà. C'est que, en fait, Cisco avait décidé d'utiliser du logiciel open source, ouais. Pour ce truc-là. Ils se sont dit, tiens, on va essayer, voir si ça fonctionne bien. Et ils ont comme pas releasé le code. Mm. Fait que l'Electronic Frontier Foundation est venu les voir puis a fait, écoutez, vous avez deux solutions. Nous autres, on a un trésor de guerre de plusieurs millions de dollars et on va vous poursuivre jusqu'à vous détruire ou vous releasez le code. Et à cette époque-là, en fait, ils ont releasé le code et c'était fait à peu près tout pareil. Les routeurs de chaque compagnie étaient faits pareil. Fait que tout les designs de base des routeurs qui étaient faits un peu comme le Link 6, ben ont pu être hackés. C'est ce qui a donné lieu en fait à la sortie de des firmware alternatifs comme Tomato, DDWRT ou encore OpenWRT, qui est une plateforme qui a été utilisée pour développer et ce partout dans le monde des organismes un peu comme Ile sans fil ou comme Zap Québec ou Zap Sherbrooke qui ont démocratiser en fait les connexions sans fil et ça de façon gratuite parce que c'était pas cher à acheter puis tu pouvais y faire pas mal plus d'autres choses. Ouais, parce que ça serait tellement le fun d'avoir ça dans un Airport Extreme ou de Chapel parce que il n'y a rien là-dedans, là. Le Chapel, là, t'sais, routeur, tu peux pas rien faire. Là. Effectivement. Je pense que peut-être que lui. Ça va être peut-être mon prochain achat aussi, quand il va sortir. Là. C'est pas les seuls, par exemple. Il y a beaucoup de compagnies alternatives, pas très connues. Entre autres, Ubiquiti, qui fait des routeurs. Meraki, qui fait des routeurs complètement fous, qui sont pas très chers et avec lesquels tu peux faire pas mal de choses. Puis, tu vois, aujourd'hui, mon coloc... a acheté un nouveau routeur, je me souviens plus comment ça s'appelle. Il y a 2 gigs de mémoire dans le routeur. 2 gigs? Oui, il y a 2 gigs de mémoire dans le routeur. Puis le processeur, là, c'est un processeur 4 cores ou quelque chose comme ça. C'est une affaire de fou. La boîte est grosse comme ça. Là. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, c'est fait, en fait, parce que ce que les gens se rendent pas compte, c'est que un routeur, c'est un peu un ordinateur qui fait du routage. Okay? C'est un ordinateur qui dit, toi, tu as telle adresse, toi, tu fais telle demande, je vais te donner tant de jus, puis tout ça. Les routeurs qu'on a à la maison et qui sont installés chez nous, c'est des routeurs standards qu'on a peut-être depuis 3, 4, 5, 6 ans. Si on a, par exemple, un WRT 54G, si vous avez rajouté là-dessus 2, 3 iPads à la maison, si vous avez rajouté les consoles de jeux vidéo, il est fort probable que vous vous rendiez compte que le routeur n'est pas capable et qu'il plante. Le bon vieux débrancher, rebrancher que vous êtes obligé de faire, c'est la même chose que Ctrl-Alt-Delete, puis vous avez fait planter votre routeur parce qu'il y a eu une trop forte demande. C'est super voyant quand tu fais du torrent, par exemple. Oui. Ben, tu écrases ton routeur, puis il n'est plus capable de faire d'autres choses. Ben, c'est ce que tu viens de faire. Tu viens de faire planter ton routeur. Donc, tu achètes un routeur plus fort, puis à ce moment-là, il ne plante pas ou moins, puis tu es capable de faire soit plus de demandes, bon, ou il ne plante pas avant un sacré bout de temps, ou il est capable de te donner de l'Internet, même si tu es en train de télécharger. Oui. Ce que chez Apple n'est pas capable de faire. Ce qu'Apple n'est pas capable de faire parce qu'il n'y a pas de quality of service dans les routeurs de Apple, qui est un système qui priorise certaines protocoles au-dessus de d'autres. Fait que tu pourrais lui dire habituellement les routeurs là, qui fonctionnent avec du QoS, tu peux leur dire la priorité basse, médium ou haute. Et quand tu fais du Skype, ben, tu y mets à haute parce que tu veux qu'il y ait toute la bande passante qui soit disponible pour le Skype. Donc, voilà. Donc, le nouveau routeur, en fait, les stats sont assez intéressantes. D'abord, c'est un CPU double cœur qu'on a à l'intérieur de ça. On a un port USB 3.0 et eSATA. Qui est assez intéressant. Qui est rare aussi du eSATA. Là. Effectivement. C'est pour brancher un disque dur et transformer le disque dur en disque network. En fait. Ouais. Je ne sais pas s'il va y avoir un logiciel qui va permettre ça, mais on va y revenir plus tard. Donc, 128 MB de mémoire flash et 256 MB de RAM dedans. Donc, la mémoire flash qui va servir à installer des packages dans OpenWRT. Il y a un paquet de choses qui peuvent être installées. Il y a 4 antennes externes qui sont amovibles. Donc, à ce moment-là, il y a possibilité d'aller installer d'autres antennes avec plus de puissance qui permet de projeter, en fait, le signal plus loin. Il faut toujours se souvenir, par contre, que si le signal est capable de se rendre plus loin, il faut que l'appareil qui le reçoit soit aussi capable de renvoyer le signal. Oui, c'est ça. Ce qui n'est pas toujours évident. Donc, si tu t'en vas dans ta chaîne, dans le fond, puis tu mets une grosse coupole sur ton WRT et que ça envoie dans le fond de ta cour, il est très possible que tu vois ton réseau sans fil, mais quand tu essaies de te connecter, tu es trop loin. En fait, c'est l'antenne de l'ordinateur qui n'est pas assez puissante. Exactement. En fait, une discussion avec un routeur, c'est comme toi puis moi qui se parle. Si moi, je t'envoie plus loin, ou je vais prendre quelqu'un de connu, là, mettons, cœur de pirate, qui a une petite voix. Oui, c'est bon. Puis je dis, va-t'en dans le fond de la cour. Moi, je suis le routeur avec la méga antenne. Quand j'y parle, ça va se rendre. Quand elle va me parler, par exemple, moi, je n'entendrai pas. Donc, c'est exactement ça, le phénomène qui se passe. Le support pour Parling 6 du développement de firmware third party, comme OpenWRT, DDWRT et Tomato, et de l'utilisation de ceux-ci sur le routeur. Donc, je ne sais pas s'ils vont... Parce que flasher un routeur, là, c'était pas si facile. Il fallait que tu packages ton truc. Il fallait que tu saches ce que tu fasses. Je ne sais pas si là, il va avoir un meilleur support de ce genre ben, de si truc. Tu vas chez, si tu vas sur DDWRT, tu as le firmware d'un, mettons, du WRT 54G. Et tu télécharges puis tu uploads. Tu uploads sur ton. Au lieu de le flash, puis tu as la bonne vieille manière de le flasher, ils te disent comment avec un jumper, lequel, puis tu peins. Sinon, tu uploads le firmware et il va écraser le firmware du Link 6 pour le mettre. Le WDDRT dedans. Je ne sais pas comment ils vont fonctionner là-dessus. Je ne sais pas s'il va être de base ou ils ont déjà donné le code aux trois, parce que c'est les trois plus gros sites name it, là, comment ils appellent ça, qui utilisent ça. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. J'ai lu aussi que le eSATA, le USB, lit le FAT, le NTFS, le HFS+. Fait que il va être capable de lire du Mac. Ah, intéressant. Fait que HFS+, c'est Mac. C'est Mac, tu sais. Il va également avoir une plateforme de développement qui va permettre de développer des périphériques. Donc, on va pouvoir ajouter des antennes, des ports Ethernet, des trucs comme ça sur le routeur, ce qui est quand même assez intéressant. Le prix de détail suggéré, quand même, c'est pas donné. On parle de 300 $, donc 299 $. Vous êtes en mesure de vous trouver des routeurs qui ont plus de fonctionnalités. Ben, en fait, qui sont peut-être mieux adaptés. Là. Cisco veut utiliser son nom pour sortir ce routeur-là comme s'il était des sauveurs ou quoi que ce soit. Mais les organismes dont je vous parlais sont déjà passés à d'autres choses. Si vous regardez pour Ubiquiti, entre autres, ils ont des trucs vraiment très intéressants pour la gestion. Mais c'est quand même un beau routeur. Pour 300 $, pour une personne qui connaît ça, tu sais, je veux dire, hey, tu peux faire des affaires avec ça. Là. Je l'ai tellement utilisé, là, le open source de ça. Linksys, je ne voulais rien savoir. Là. Tu peux tellement en faire. Mais... OK, c'est 300 $, mais c'est quand même un bon routeur. Tu sais, je veux dire, je l'achèterais, je pense. Mais là, tout ça. Ben en fait, le commentaire qu'on a de Jean-Michel qui a fait cette découverte-là, en fait, il y a le GM Seal of Approval. Donc, il se l'achète la journée du lancement, puis on va pouvoir jouer avec. Ouais. Il y a deux semaines, en fait, tu nous faisais une démonstration avec ta manette de PS3 sur ton Mac avec OpenEMU. Il y a dans la communauté Jailbreak, pour les gens qui jailbreak leur téléphone, il y a un tweak qui est sorti et qui permet d'utiliser la manette, mais sur son iPhone, iPad. Oui, donc vous allez me dire à quoi ça sert. Ben, ça sert à avoir un Apple TV puis à diffuser sur ta TV, mais à jouer non pas avec un iPhone dans carré, mais avec une bonne vieille manette de PS3. C'est ça. Donc, c'est assez intéressant. Donc, c'est super facile à faire. Là. Tu branches ta manette dans l'ordi, tu branches le iPad ou le iPhone dans ton ordi avec le fil Lightning. Ah oui, OK. Ouais, ouais. Tu as un petit logiciel sur ton Mac ou PC ou Linux, il y a les trois. Tu fais matcher ensemble. Pouf, ça se fait. Tu pèses sur le bouton power de la manette PS3 et c'est automatiquement sur ton iPhone, iPad. Assez intéressant. Oui. Le développeur, en tout cas, là, c'est pour le monde Jailbreak. Là. Le développeur il dit qu'il est en train de travailler sur le DualShock 4 de la PS4 parce que c'est pas le même modèle qu'ils ont mis à l'intérieur. OK. Dem Battery. Fait que... la batterie de la PS4, là, de la batterie de la manette, là, du DualShock 4, okay. là, c'est vraiment de la chenoute. Là. Ah oui? Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ça dure même... La batterie de la PS3 durait, mon Dieu, je jouais longtemps avec ça, celle-là. Là. À un moment donné, 3, 4 heures, 5 heures, là, max, là, je suis obligé de la brancher là, tellement qu'elle est faible, puis elle joue même plus. Fait que, c'est un peu poche. Bon, dommage. J'essaie de trouver, j'avais trouvé d'autres choses d'intéressant. En fait, je vais vous faire part, il y a un petit bout de chronique que je vais rajouter dans les découvertes. Ça va s'appeler « Les découvertes à Joe ». Donc, Jonathan Laberge, qui est un acheteur de bébelles. Il y a deux semaines, on vous avait parlé d'un rack pour les œufs qui va dans le frigidaire et qui se connecte à votre réseau sans fil pour pouvoir vous dire, en fait, un rack intelligent pour pouvoir vous dire est-ce que vos œufs sont encore bons et tout ça. Puis, je voyais, en fait, Jonathan est venu me parler aujourd'hui puis il a dit « Comme ça, t'aimes pas mon rack? » Puis, ce que j'ai dit, c'est que moi, je suis jamais tombé sur un œuf qui était pas bon. Moi non plus. J'en ai jamais eu. Mais lui, il me dit que c'est déjà arrivé. Mais la même compagnie vient d'annoncer, en fait, que d'ici quelques temps, ils vont sortir un truc que tu... en fait, c'est un pichet à lait. Okay. Et là, tu vas mettre ton lait dedans et lui va analyser le pH. Donc, quand ton lait va tourner, il va t'avertir que ton lait est en train de passer date. Donc, on parlait tout à l'heure là, des frigidaires qui commandent du lait puis tout ça. Mais là, lui, au moins, tu sais, c'est pour le lait, puis ça va te dire ton lait est en train de devenir dégueulasse, le gros. Il est peut-être temps que tu le boives. Ça se peut pas. Ben, en fait, oui, c'est ça. Et il m'avait parlé d'un autre, truc. Attends une seconde. Un autre gadget. Ah, c'est quoi? Attends. C'était sûr. On a eu la conversation là. Pardon pour le temps. Pas grave, on va le couper. Ouais, bonne idée. Ben, on parlait dans un ancien podcast, l'application. Password Box, qui est une application montréalaise. Montréalaise, c'est développé à Montréal. Ils ont gagné l'application de l'année au CES 2014. Quand même intéressant. C'est big. Et, c'est très big, là. Dans ma job de tous les jours, le temps que je passe le plus, c'est à trouver les mots de passe puis à réinitialiser des mots de passe. As-tu essayé... 1, 2, 3, 4, 5, 6, là, celui qu'on a vu passer aujourd'hui qui est rendu le plus... En fait, c'est ça. Avant, c'était Password qui était le plus utilisé. Maintenant, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, éventuellement, en fait, comment ça s'appelle? Les mots de passe vont être remplacés soit par des téléphones, soit par des applications comme ça. Entre autres, Keychain in the Cloud, qui est déployé, qu'on utilise, qui va bien. Mais moi, en fait, je ne l'ai pas désactivé, puis je devrais, parce que j'ai 1Password d'un côté. C'est ça. Mais j'utilise les deux. Fait que là, j'essaie de voir, en fait, lequel est le plus efficace. Puis si j'utilise, je sais que tu utilises beaucoup 1Password. Ouais, moi, c'est avec ça, moi. Tu utilises les fonctionnalités avancées, tu sais, tes cartes de crédit, des trucs comme ça. Moi, je l'utilise vraiment juste, là, raccourci clavier avec le mot de passe. Fait que le iCloud, le Keychain in the cloud est correct pour moi. L'autre chose dont tu m'avais parlé, c'est le Théo. C'est un projet Kickstarter qui cherche à obtenir 165 000 $ pour être développé. Il reste 44 jours pour l'acheter. C'est un produit qui va se détailler autour de 79 $ si vous l'achetez sur Kickstarter, puis 109 $ quand ça va sortir. C'est un cadenas. Okay. Un cadenas, en fait, de la grosseur d'un cadenas normal, Mastercraft, le petit cadenas, pas un cadenas en U, et qui se contrôle, en fait, qui s'ouvre ou qui se ferme par iPhone, donc par une application sur ton téléphone. Ah, ben j'avais vu la même affaire aussi pour un vélo. Un cadenas à vélo. Mais continue. Okay. Ouais. L'application, le cadenas peut s'utiliser pour le cadenas à la piscine, pour un locker pour les appartements qui ont dans le sous-sol un locker. Ça peut être utilisé pour différentes choses. Ce qui est intéressant, un peu à la manière des serrures Il y a des serrures qui commencent à sortir tranquillement, entre autres vendues au Apple Store. Tu peux envoyer, en fait, la permission à quelqu'un de débarrer ton, ouais, ton cadenas. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir tes clés avec toi. C'est ça qui le débarre. C'est relativement sécuritaire, en fait, autant qu'un cadenas peut l'être. Là, quelqu'un qui a envie de le voler, qui arrive avec une crowbar ou quelque chose, il va vous le sauter assez rapidement. Il ne va pas essayer, de par un moyen théorique, là, un moyen hacking, de passer à travers le cadenas. Donc, ça peut être intéressant. C'est sur Kickstarter et c'est le TO. Eh ben. Voilà. Pas T-H-E-O, mais bien T-E-O. T-E-O. Voilà. Sinon, est-ce que tu avais, toi, des découvertes? Non, j'ai rien. Ah non? Ah, j'ai pas le temps. Okay. J'ai pas le temps. On travaille trop fort. J'ai pas le temps. Est-ce qu'on a eu des questions? Ben, je n'ai eu une. Ah, ben, attends une minute. Ah oui, excusez, c'est vrai. Vas-y. C'est maintenant le temps des amateurs de Mac. Bonsoir, on vous retrouve après le jingle. Mac Québec, le podcast. Les amateurs de Mac, bonsoir. Bienvenue aux amateurs de Mac, bonsoir. Il faut que tu dises bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut le faire. Excellent. Est-ce qu'on a eu des questions? Il y a quelqu'un qui nous en a envoyé une, si je ne me trompe pas, Frédéric Lavoie. Frédéric Lavoie. On lui a répondu au dernier podcast à propos de son disque SSHD. Oui. Il y en a un autre. OK. Est-ce que c'est en 8 chapitres? Non, c'est moins long, celle-là. Okay. Là, ça va prendre moins de temps. Il dit, j'ai 3 adapteurs dans lesquels je branche un câble Lightning afin de charger mon iPhone dans ma voiture. Côté chargement du iPhone, ça fonctionne très bien. Mais quand vient le temps d'écouter des podcasts ou de la musique en utilisant la prise auxiliaire, il y a un buzz dans le son sur la radio de ma voiture. Je figure que c'est un problème d'interférence. Est-ce que les adaptateurs sont trop cheap? Y a-t-il une solution pour régler mon problème? C'était le cas avec mon iPhone 4 et maintenant aussi avec mon nouveau iPhone 5S. Le buzz n'est pas très fort, mais il est fatigant quand même. Merci et merci pour votre bon show. Ben, de rien. Ouais. J'ai pas de réponse sûre pour lui, mais un de ces deux câbles ne doit pas être d'assez bonne qualité et il devrait probablement être shieldé. C'est-à-dire que les câbles qu'on va trouver au magasin à une pièce ne le sont probablement pas. Non. En fait, c'est le fait de faire rentrer de l'électricité en même temps que de sortir le son qui cause ça. Donc, il faudrait probablement aller sur Monoprice et aller dans la section câble de meilleure qualité. Puis, on aurait un câble qui est probablement shieldé et qui donne un son qui ne va pas avoir de ça. Sinon, l'adaptateur peut aussi être problématique. Ici, on avait Jason et d'autres gens qui sont venus nous aider, qui nous disaient, quand tu as des problèmes au niveau d'un buzz dans ton son, c'est parce que c'est le ground qui cause un problème. Fait que tu utilises un adaptateur qui enlève le ground et ça règle le problème. Donc, peut-être que l'adaptateur n'est pas d'assez. C'est ça que Bernard a répondu dans la soirée. OK. Il a répondu, la solution est d'utiliser un ground loop pour enlever les interférences. Ou encore, d'utiliser un fil avec un câble audio-vidéo pour iPhone, iPad, connecteur 30 pits ou Lightning vers une prise RCA. Il dit que ça se vend sur Amazon ou sur Monoprice. Là. Il dit qu'il y avait le même problème, nous aussi. OK. Fait que c'est comme, c'est ça. Je pense que c'est plus ce que toi t'as dit avec le courant et c'est ça. Excellent. Sinon, en fait, je regarde directement sur Mac Québec Entraide et on vous invite à aller poser vos questions là. Donc, on nous demande bonjour, je viens juste de faire l'acquisition d'un Apple TV. Tout fonctionne bien avec iTunes, mais je voudrais également pouvoir voir des vidéos présentes sur mon iMac sans passer par iTunes. Donc, fort probablement dans un autre format. La première chose la plus facile à faire, c'est de vérifier si vous n'avez pas un petit rectangle avec un triangle qui rentre dedans dans votre barre en haut. On le répète souvent, en fait, les ordinateurs qui peuvent faire du AirPlay sur un Apple TV, ce sont toutes les machines en haut de 2011. Donc, si votre iMac est plus vieux que 2011, la solution qu'on donne souvent, c'est iParrot. Oui. qui est achetable, c'est une quinzaine de dollars. C'est pas très cher et ça permet de faire la diffusion. Sinon, évidemment, ben, vous pouvez toujours faire le transfert de vos films avec Handbrick, pardon, dans un format qui est lisible par iTunes. Et si c'est un Apple TV, ce qui est probablement pas le cas, là, si vous venez d'en faire l'acquisition, c'est probablement un Apple TV de troisième génération. Et pour les gens qui sont avec le Apple TV de deuxième génération, il y a moyen de le hacker avec avec un firmware spécial dont on a parlé au dernier épisode, si je ne me trompe pas. Et à ce moment-là, de pouvoir le transformer en lecteur qui va lire sur votre réseau, qui va aller chercher pas mal tout, de mettre XBMC là-dedans ou Plex. Voilà. Moi, j'utilise Beamer. Beamer. Ah, OK. C'est un autre logiciel qui fait un peu la même chose? C'est un logiciel sur ton Mac. Oui. Puis tu mets ton vidéo dans ce logiciel-là, ça stream automatiquement dans ton Apple TV. Ah, c'est cool. Ouais, yeah, je vais. Ben là, ça marche. Va-tu marcher? Non, ça marchera pas parce que si je le monte, en tout cas, pas moi. Mais ça fonctionne. Tu sais, je veux dire, ben, gars, je vais le partir. Là. Mais toi, ça veut dire que ton ordinateur est plus vieux que 2011? Non, moi, c'est un 2011. OK. Parce qu'en AirPlay, c'est le fun, mais sauf que ça lag des fois. C'est vrai? Ça lag. Même en vidéo, ça lag. Fait que. J'aime mieux utiliser ce logiciel-là quand j'écoute mes films, tu sais, vraiment grosse qualité, là. Mettons, je vais vous mettre... Qu'est-ce que j'ai pas écouté encore, donc? Le Prisonnier, que j'ai pas encore écouté, qui est pas encore sorti. On nommera pas que je l'ai pogné. Fait que si je le drop dans mon logiciel, on le voit qu'il va apparaître sur le Apple TV, mais là, faut savoir si le film, si le réseau va être capable de le supporter. Ah oui, il supporte. Et là-dessus, sur ce logiciel-là, supporte le Dolby Digital. Ah, OK. Et 5.1, 7.1, pas encore DTS, parce que l'Apple TV n'est pas DTS, mais supporte totalement le 5.1 et le 7.1 pour le Dolby. Fonctionne avec MKV. Tous les formats, surtout le MKV, là, oui. Ben, il fonctionne, ça fonctionne très bien. L'image est super belle. Le son, il est... Moi, l'image est écœurante. C'est comme... Super. C'est ça. Donc, Beamer. App. Sinon, il y a l'application Air Parrot de la compagnie Air Squirrel. Oui. Bonjour. Le lecteur CD-DVD de mon Mac ne reconnaît plus les disques quand je les insère dans mon ordi. Quelqu'un peut m'éclairer? C'est une question de Jean-Pierre Picard. C'est quoi? Est-ce que je disais d'autres choses? Le lecteur DVD de son Mac ne reconnaît plus les disques quand il les insère. Donc, est-ce que quelqu'un peut l'éclairer? On avait donné l'adresse, en fait. Peut-être que Bernard pourra répondre s'il nous écoute. Mais on avait donné l'adresse de... une dizaine, en fait, de choses que tu peux faire quand le lecteur DVD... Oui, il y en avait beaucoup. Le lecteur DVD ne fonctionne pas. Entre autres, en fait, resetter le mécanisme qui fait que ton CD rentre. Donc, tu le pousses, puis quand il veut le gober, tu lui retires le CD. Ça permet de resetter le lecteur. Le lecteur. Merci. Mais sinon, en fait, la plupart du temps, c'est que le lecteur, il est au bout de son chemin, puis va falloir l'enterrer. Vous pouvez le remplacer par un disque dur dans votre ordinateur. C'est de moins en moins important, en fait, un lecteur CD-DVD. Il n'y en a même plus dans MacBook Pro. Là. Exactement. Et vous pouvez le remplacer. Il y a des modèles Asus en USB 2. Ouais. À 40 $ chez... J'ai un LG chez nous qui traîne dans le garde-robe. Qui va très bien faire. Ben oui. Même un Blu-ray réinscriptible, moi. C'est vrai. Externe. Je ne sais pas ce que je fais avec ça, là, mais bon. C'est bon. On a une question de Denise Simard. Est-il possible de créer des sous-dossiers dans l'application Page sur le iPad? Malheureusement, non. Non. Ils sont rendus là, donc c'est pas possible. Ça fait un bout là, que ça n'a pas été mis à jour. Là. Leur application là, sur iOS puis sur Mac. Là, en fait, la dernière fois, c'est à la sortie de Android. Ouais, ça, je sais, mais mis à jour à partir de cette version-là, ouais. là, qui n'ont rien rajouté, que le monde chiale qu'ils n'ont pas assez d'étoiles. Il manque, là. Manque beaucoup de nouveaux. Ça n'a pas été mis à jour encore. Je ne sais pas ce qu'ils font, là, mais... What's up with you, Apple? Ben, ils sont en train de développer leur leur montre. Oh. Voilà. Gravé directement. J'ai changé d'idée en mettant un clone dessus. On avait répondu. Hey, la semaine passée, il y a deux semaines, là, on est resté après le podcast pour checker mon Mac là, qui fermait plus et qui faisait plus rien. Là. C'est ce que j'ai fait? Non. J'ai sacré le serveur aux poubelles. Avec le dossier serveur, mon ordinateur se referme. Comme un... comme un charme. Comme un charme. Il se met même... Avant, il se mettait plus en veille. Fait que je sais pas si c'est à cause de la version serveur qu'il y avait un problème dedans. Mais je l'ai vidé. Je l'ai mis au vidange. J'ai jeté le dos. Parce qu'il crée un dossier avec toutes les applications que le serveur peut avoir. Puis je me suis dit, la merde, si je m'en servais pas de cette application-là, je sais même pas pourquoi je faisais avec ça. Qu'est-ce que je faisais avec ça, là, le serveur, là, je m'en servais pas. OK. Puis. Fait que c'était ça qui ralentissait la fermeture de ton ordinateur? Non. Bon. J'ai jeté ça, puis j'ai rebooté la machine, puis je l'ai refermé, puis ça a fait poing. Puis c'est depuis ce temps-là que j'ai plus de troubles. Moi, j'ai un truc à donner, en fait, que j'ai trouvé, puis c'est un truc bien, bien basic. Ma façon de voir mes dossiers préférés, c'est en liste. Ouais. Je sais pas toi, qu'est-ce que tu utilises? Moi, c'est en icône. Moi. Ah oui? OK. Ouais. Moi, c'est en liste parce qu'il y a un paquet d'informations que tu peux avoir à côté. Oui, il y en a plus, oui. Donc, la date de modification, le type, la date de création, la version, le commentaire, les tags, tout le kit. Ouais. Et en fait, le plus intéressant dans ça, pour moi, c'est la taille. Il y a certains ordinateurs sur lesquels j'allais et les dossiers dans macOS 10... Dans la colonne de taille, c'était deux petits tirets. C'est comme ça ici c'était que pas, j'ai. Là. C'était pas indiqué. Puis j'ai jamais comme pensé poser la question à Internet. Puis cette semaine, j'ai dû faire une opération. J'ai posé une question et c'est ce truc-là qui m'est sorti à la place. J'essayais de voir dans certains dossiers certains trucs. Et donc, le petit truc que je vous donne, c'est pour faire afficher. Dans la colonne de taille, ce que le nombre de gigs ou de megs que contient les dossiers. Donc, OK, je suis prêt. C'est assez simple. Vous mettez votre vision en liste. Ouais. Vous vous assurez d'avoir la colonne taille. Ouais. Si vous ne l'avez pas, vous cliquez avec un right-click dans la ligne qui... comment je pourrais l'expliquer? La ligne, c'est sûr qu'il y a « nom » qui est dedans. Date de modification, type, tout ça. Donc, vous double-cliquez dans cette ligne-là et vous allez avoir un menu qui apparaît. Si « taille » n'est pas cochée, cochez-le. Vous allez avoir, en fait, une colonne qui va se rajouter et qui va vous donner le nombre de gigs des fichiers. Mm-hmm. Ensuite de ça, vous allez aller dans « présentation » en haut. Et vous allez... View, là? Oui, View en anglais, ouais. Ou présentation. Et vous allez ouvrir les options de présentation. Oui. Et... Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Oui, non, c'est pas ça. C'est pas Calculate All Size? Oui. Attends, c'est sûr. OK, il faut que tu sélectionnes. Faut que tu sélectionnes un dossier. OK. OK. Mettons, je veux tout mon dossier utilisateur. C'est ça. Puis tu coches Calculer toutes les tailles. Okay. Si tu veux que ça s'applique à l'ensemble de l'ordinateur, tu fais utiliser comme valeur par défaut. Par défaut, oui, il va tout le calculer. Oui. Oui, c'est tout en train de se calculer. C'est cool, hein? Oui. Ouais. Donc, à ce moment-là, quand vous allez rentrer dans votre dossier de téléchargement, mettons, puis que vous téléchargez en malade, ben, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir vos dossiers qui vont être calculés. En même temps que... Je suis dû pour faire du ménage dans mon dossier download. Et voilà. 275 gigs. Ouais, ben moi, j'ai des trucs là à 11, 4 gigs, là. Fait que, voilà. On est dû. Mon disque dur est presque plein. Donc, c'est mon petit truc pour cette semaine. C'est un truc, c'est bien, bien de base. Ben oui, mais c'est... J'avais jamais pensé à regarder là. Ben oui. Voilà. Donc, j'espère que ça vous donne un petit coup de main. Ben... C'était tout pour les amateurs de Mac. Bonsoir. On se refait le jingle? Oui, vas-y. Les amateurs de Mac, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Merci le P. Je l'aime le jingle. Oui, il est correct. Il est beau. Il est correct. Excellent. Qu'est-ce que... Ah oui, on va parler de... Avant de vous quitter, là, deux, trois petites minutes, là. L'application LogMeIn. Ah oui, c'est vrai, hein? LogMeIn a décidé de fermer la version gratuite de leur logiciel. Vous avez 7 jours. Oui, parce que c'est ça. Parce que y a... En fait, estimons que tu vas mettre le podcast d'ici 2 jours en ligne. Je vais essayer de le mettre demain parce que... Vu ça qu'on donne a 5 jours. Oui, c'est ça. Ils vont fermer la version gratuite de leur logiciel, mais la version payante, elle va être par mois. Oui. Et l'application coûte 100... dollars, je pense. C'est oui, 100, c'est 130 cher, ces dollars. Applications-là. TeamViewer, la version complète. Combien qu'elle coûte, la version c'est que deux, vous avez? C'est 200 quelques piastres solides. C'est quand même assez cher, mais ça supporte un nombre illimité. Ça fonctionne sur à peu près tout. Ils font du bon support, tout ça. C'est un petit peu dommage. Je peux comprendre que LogMeIn décide de... by the way, LogMeIn, c'est un logiciel qui permet de prendre facilement contrôle de votre ordinateur à distance et ça fonctionne même dans un furteur. Donc, pour beaucoup de gens, c'est intéressant. Moi, c'est pas un produit qui me faisait non, non. J'ai jamais vraiment utilisé. D'après moi, TeamViewer a ramassé une grosse part du marché parce que... C'est très possible. Oublie ça, là, j'utilise même plus Remote. Là. Non? Remote Desktop d'Apple. De oui. Non. Ah, OK. Tu l'utilises encore? Oui. Ah ouais? J'utilise beaucoup, oui. Ah ouais? Oui. Ça permet de scanner des réseaux, ça permet de Oui. Tu peux faire plus de trucs sur TeamViewer, là, mais ben non, j'utilise... J'ai tout ça à job, moi, d'installer pour mes ordinateurs, puis à maison aussi, fait que... Ben, le VNC, en fait, le... Un truc que nous, on utilise, une fois que tu as activé le session à distance puis le session à distance sur ton truc de partage, en fait, c'est gestion à distance, et que tu lui as permis de faire... bon, il y a la liste, là, observer, contrôler, tout ça. Tu es capable d'aller dans Safari, puis tu ouvres un onglet, au lieu de marquer HTTP, tu fais VNC, et tu tapes l'adresse de ton serveur. Ah! Et à ce moment-là, je sais pas, j'en ai pas ici de serveur, là, mais tu tapes l'adresse de ton serveur, ça ouvre quelque chose. Tu vas pas te brancher celui-là? Je sais pas, non. Tu le connais pas? C'est ça, je le connais okay. pas. Donc, tu tapes VNC, l'adresse de ton serveur. Quand on installe un serveur, ben tu l'installes avec une adresse IP fixe ouais. À l'intérieur de ton réseau. Et si tu as de la difficulté à mettre une adresse IP fixe, c'est probablement parce que ta plage DHCP est trop grande. Les adresses qui sont données automatiquement par ton routeur est trop grande. Mm. Donc, tu peux rentrer là-dedans puis aller lui dire ben mon DHCP va partir à. 100. À 100, ouais. 100 jusqu'à, mettons, 199. Donc là, tu vas avoir une centaine d'adresses. Et tout ce qui est à l'extérieur de ça, c'est à l'extérieur du range DHCP. Ça te permet donc de mettre des appareils que tu vas manuellement ajouter. Si tu fais une adresse manuelle ouais. Qui est à l'intérieur du range DHCP, ce qui risque d'arriver éventuellement, c'est que quelqu'un va se connecter, puis à cause d'un phénomène quelconque, ben tu vas te faire attribuer, mettons, ton ordinateur était fermé, oui. Donc le range DHCP, il fait ben, l'adresse un tel n'étant pas connectée est disponible, il la donne à un ordinateur qui se connecte automatiquement. Oui. Et à partir de ce moment-là, ben, quand tu rouvres l'ordinateur qui a une adresse manuelle, ben, lui, il fait, moi, je vais me connecter au 101, mettons. Puis là, ça marche pas, ça fait un conflit d'adresse. Donc, c'est pour ça qu'on fait une plage DHCP, mais qu'on tient à l'extérieur de la plage DHCP des trucs qu'on veut, avec lesquels on veut se connecter facilement. Fait que les imprimantes sont en DHCP, ouais. sont à l'extérieur du range DHCP. On les met en manuel. Les serveurs, ben important. Ouais. Puis après ça, ben ça fait que t'es pas obligé de, comme un fou, les forwards de port sont tous à la même place. Voilà. Ah. Donc, c'était un autre petit truc. Puis, une fois que tu as ton adresse IP fixe, ben là, tu t'en vas dans Safari, tu tapes vnc://, l'adresse. 96.121.23.15, là, à peu près. Voilà. Ouais. Et à ce moment-là, tu vas avoir un petit une petite fenêtre qui va apparaître avec l'adresse dedans. Tu cliques OK, tu rentres le mot de passe, le nom d'administrateur, puis tu es en train de gérer ton ordinateur à distance. Tu te connectes. Fait que ça va super bien là, pour faire pour gérer des trucs. Tu n'es pas obligé à chaque fois d'ouvrir à Remote Desktop. Tu es en train de tester une version bêta d'OS. Ben ouais, c'est ça. Ça n'a pas été mis à jour, tout ça. Fait que c'est un petit peu fatigant. Sur Twitter, on n'avait pas d'autres questions? D'accord. Non. Fait que ça fait le tour pour cette semaine de votre podcast Mac Québec. On a quand même fait, écoute, on est en retard un petit peu, mais on a quand même fait plus de 2 heures de show. On est rendu à 2h17. Excellent. Vous en avez pour votre argent quand même. Ben oui. On aimerait vous rappeler qu'il nous serait possible quand même, mais un peu moins intéressant, de faire le podcast parce qu'on essaie toujours d'améliorer ce qu'on fait, donc avec des nouvelles consoles, des nouvelles caméras, des nouveaux trucs. Et le prochain upgrade qu'on veut faire est quand même assez important au niveau de la qualité vidéo. Donc, on est en train de ramasser nos sous et, en fait, d'aller voir des gens pour pouvoir acheter. Donc, nos commanditaires, il y a ClickPom qui nous accueille dans leurs locaux. Il y a iRepair Montréal qui sont des sauveurs de vie professionnelle. Vous pouvez aller sur iRepairMontréal.com ou passer les voir à leur boutique située en plein centre-ville de Montréal au 1184 Sainte-Catherine-Ouest, suite 101. Il faut sonner pour rentrer. Ils n'ont comme pas un système automatique. C'est un peu plate, là, mais c'est ça. Il faut sonner la suite 101. Ils vont vous ouvrir. Quoipucam, boutique informatique. Vous pouvez passer les visiter au 279 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal ou vous rendre au quoipucam.com. ReptileTech, qui s'occupe de notre infrastructure de site web. En fait, c'est eux qui hébergent Mac Québec. Oui. On remercie aussi l'INIS. Où est-ce que tu vas aller faire un tour d'ici quelques semaines? Non, c'est faut que je sois juste en avril ou mai. Ah, OK. Excellent. Mais c'est une grosse formation. C'est 3 jours, 9 à 5. Excellent. Vous pouvez aller les voir. Ils sont au 301 boulevard de Maisonneuve-Est, juste à côté de la Cinémathèque québécoise et juste un peu au sud, nord de la coop. Ouais. Si vous avez regardé hier la conférence de presse de... Le monsieur qui a gagné en cause suprême, là. Mais je viens de perdre Robin, son... Robinson Soufoué, Claude... Lui, là? Oui. Bon, mais il était Claude à l'INIS hier. Claude Robinson, il était à l'INIS hier pour faire sa conférence. Fait que si vous avez regardé, c'est ça. Intéressant. Fait que... Et on remercie l'EP pour les indicatifs audio. Vous avez entendu le nouvel indicatif pour les amateurs de Mac. Bonsoir, on le remercie beaucoup. Et finalement, Telestream, qui, avec son logiciel Wirecast, nous permet de diffuser sur Internet. C'est sûr que dernièrement, ce que vous avez eu, c'est une webcam. Mais quand Jason est en mesure de venir nous aider, il sera là le 4 février pour le prochain podcast. Ah ouais? À ce moment-là, on a plusieurs caméras, tout ça, puis on essaie de faire ça un peu plus dynamique. On remercie aussi Jean-Michel Boisely pour la recherche et la préparation de l'émission. Jean-Michel sera de retour dans 2 semaines pour la prochaine édition du podcast pour les gens qui s'ennuient de lui. Et je suis sûr qu'il va avoir plein de choses à nous dire. Sur Vidéotron. Sur Vidéotron. C'est clair. Voilà. Donc, comme je le disais, le prochain podcast est le 4 février à compter de 20h. Et avant de vous laisser, où est-ce qu'on peut te trouver? Moi, on peut me retrouver sur Twitter à JFroy1979. Pour ma part, vous pouvez me trouver au Alex Cornelier sur Twitter. Et pas beaucoup ailleurs, sauf peut-être si vous appelez les services de ClickPom parce qu'on travaille une shot depuis le retour des fêtes. Là, Oui, la semaine passée, ça a été complètement cinglé. Cette semaine, il y a une journée où est-ce que j'ai pas de clients. Non, c'est pas vrai. Je travaille tous les jours cette semaine. Donc, de ce pas, je vais aller me coucher. Ouais, et on vous laisse et on vous revoit dans 2 semaines. Merci. Là. Bonne soirée. Au revoir. Mac Québec, le podcast.